Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention Alcotube Plus. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Justine Renaud nous racontera ce qu'elle a fait pendant son absence d'un an dans Justine Persine. Et David Ferron nous fera regretter d'être de retour de vacances avec sa carte Bitché. Tout ça en plus de Tanias, Gunnett, Tritania et des instructions d'assemblage. Assemblage Requis commence tout de suite. Assemblage requis. Toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 10 janvier 2017, à 107 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. On t'en dirait des studios de Six Fois à Trois-Rivières. Ça va, Tania? Ça va très bien, toi? Oui, beau petit matin. Oui, pas trop pire ce matin. Je te dirais que, en théorie, c'est censé être pire qu'hier soir, qu'hier, mais... La grosse tempête. Oui, c'est ça. Ça a pas commencé, là. On continue à se croiser les doigts. Ah oui, mais on continue de vivre des choses qui sont différentes de la réalité, un peu comme notre amie Justine qui porte encore un chandail de Noël. Toujours un chandail de Noël aussi, à saveur un petit peu communiste, socialiste. Oh, ben oui, j'avais pas remarqué. Ben oui, c'est le Communist Party sur mon chandail. Et tout le monde est invité. Tout le monde est invité. surtout, Mao. Je la... Mao. Mao. Ah oui, Mao. Mao. C'était pas un dessin animé, là. Miaou. Miaou. Miaou. Miaou. La la la la la. Écoute, c'est ça, c'était un dessin animé. Les chats en pâte à modeler. Ah. Attends, ça me dit quoi? Miaou. Ben, en fait, on avait miaou. Tellement d'émissions miaou. En pâte à modeler quand on était jeunes, là. Il y avait des légumes, à un moment donné, il y avait un petit bonhomme qui se promenait, puis il poursuivait une petite balle qui se fondait dans le décor d'un fouet. En tout cas, c'est ça que je retiens de mon enfance. Les légumes, c'est des vrais. Ah, c'était des vrais. Mais des fois, il n'y avait pas de la pâte à modeler? Ça se peut. Bref. Sûrement. Aujourd'hui. Partout. Des coupures à Radio-Canada. Ah, ils prennent juste des légumes. Oh, c'est pas facile, ça. Oh. Couper des légumes. Plus tard à l'émission, vous l'avez entendu, Justine s'en vient. Mais avant de passer à Justine en début d'émission, ta collègue à toi, Tania, s'en vient plus tard. Tania, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Je vais vous parler un petit peu de finance, mais surtout d'aide à la finance. Tu sais, des fois, c'est le fun d'avoir un compte en banque, mais on comprend pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Non. Donc, je vais essayer peut-être de vous aider de ce côté-là. Super, à 8h environ. Ensuite de ça, à 8h30, David Ferron et sa chronique La Carte Bitché nous présente ses artistes et groupes et chansons préférées de la compilation Poulet Neige. Poulet Neige. Poulet Neige, celle qu'il fallait commander dans le mois de décembre. Poulet à l'orange, Poulet Neige. Oh, miam, miam. Il parle de petites balles qui se fondent dans le décor, hein, des balles à petites boules. C'est bon. Pâte à modeler. De pâte à modeler. Citron, comment on appelle ça? Boule à l'ananas. Oh, mais des fois, ça goûte la pâte à modeler, là. C'est mal fait. Dépend du restaurant. C'est ça. Donc, ça, c'était à 8h30. En fin d'émission, on devrait faire les instructions d'assemblage si on a le temps. Mais avant ça, comme je l'ai dit, Justine Renaud, ça fait un an et un mois environ qu'on t'a pas parlé. J'ai fait mes recherches dans le coin du 15 décembre 2015. Ben oui. Puis je parlais de chat, puis je parlais de plein d'affaires, puis j'ai dit que j'allais revenir. Finalement, j'ai pas eu le temps avant de mon départ en Italie. Donc, j'étais partie 6 mois en Italie. Mamma mia! Elle nous a comme ghosté. Ouais, c'est ça. Le lendemain, t'es plus là. Non. Radiophoniquement. Ben oui. Paf. Coupure à Radio-Canada. Je me suis abstenue, donc, pendant un an. Et oui, je reviens là en pleine forme. J'ai vraiment hâte. Je suis vraiment pépée. Oui? Ouais, pépée. Elle dit qu'elle allait nous mettre du pep dans la tête, mais en arrivant, elle dit genre, il y a plein d'affaires qui sont mortes. Il y a plein de choses qui sont mortes en Italie. Mes écouteurs, mais mon casque audio que j'utilisais classiquement à la radio de couleur saumon, on pourrait dire. C'est vrai. Il est mort en Italie. Triste, non? Comme mon téléphone est mort en Italie dans ma brassière de sport. Lequel, je l'ai fait ça? Pressure cooker. iPhone 6 est mort dans ma brassière de sport. C'est noyé. Pauvre petit pète. En fait, c'était plus vapeur, mon affaire. Ok, ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, tu portes des écouteurs saumon encore, mais en forme de stéthoscope quasiment. On dirait que tu portes un stéthoscope pour faire une chronique musicale. Ouais, ben dans un an, je serai docteur, un faux docteur, les fake doctors. Et donc, docteur à la télé. Je me pratique en stéthoscopie. Wow! Ça finit là. Bref, on essaie de trouver un autre nom. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt quand je t'ai croisé dehors, Justine? Justine s'abstine. S'abstine, parce mais que du verbe s'abstiner, ça marche pas. Non, il y a s'abstiner, il n'y a pas s'abstine. Mais s'abstindre. S'abstenir. S'abstenir. S'abstenir. Ouais, c'est ça. Wow! Ça commence bien. La journée commence tôt. On conjugue. Bref, petite abeille, allez, Justine Butine. Go. Comment on dit, Justine? Pertine. Je trouve que pour un 10 janvier, de mon retour ici dans les studios de C'est fou, je suis bien chanceuse. Pourquoi je dis que je suis chanceuse? En fait, c'est ma chance et la malchance d'un autre. C'est qu'il y a un an aujourd'hui, David Bowie nous quittait. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. On n'oublie pas. Tu nous as quitté le 15 décembre 2015 et David Bowie nous a quittés en janvier 2016. C'était, en tout cas pour moi, c'était particulièrement triste. Moi, j'avais toujours espoir de pouvoir le voir en spectacle, même s'il disait qu'il ne retournerait pas faire de tournée. Mais bon, c'est ainsi que je vais débuter cette nouvelle session de Justine Pertine en parlant d'un de mes artistes préférés, David Bowie. Il y a aujourd'hui là, le premier anniversaire de son décès. Il a trépassé le 10 janvier 2016. Il avait 69 ans, quand même jeune, hein? Du cancer du foie, finalement. Je me suis longtemps posé la question, voyons, il est mort de quoi? Du cancer de quoi, en fait? Parce qu'il y a beaucoup de parties du corps, David Bowie, comme tout le monde. Et il est décédé seulement 2 jours après la sortie de son 25e et ultime opus, Black Star. Black Star, qui est selon moi un excellent album, tout à fait à la hauteur du reste de son œuvre. Il est méconnu un peu de ceux qui ne se sont pas attardés à ses dernières œuvres, mais lui est particulièrement bon, en tout cas à mon goût, à moi. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, je porte un t-shirt à l'effigie de Black Star, là, en dessous de mon goulag. Mon goulag communiste. Je porte mon t-shirt à l'effigie de Black Star que m'a offert ma mère à mon retour de l'Italie. Donc, très beau cadeau. Je remercie alors ma mère et... Alors ta mère. Drôle de nom. Alors Renaud. Ouais, ça aurait pu. Linda, ouais. Alors Renaud. Mais non. En tout cas, bref, tout ça pour dire que je suis toute équipée pour consacrer aujourd'hui mon émission et mon retour en ondes au Thin Duke. On se rappelle que Justine considère sa chronique comme une émission. Oui. C'est, non, c'est une émission, moi. Je prends ça tellement au sérieux. Pas trop. j'ai écrit partout là, dans mon CV que j'étais directrice de la radio, toutes les quêtes, là, puis que je suis aussi rectrice de l'université. Wow. Donc, non, excusez, chronique. Merci de le pointer. Mais ça bref. Le reste du monde. Je déparle le matin. Mais non, mais en fait, je l'avais écrit, donc je déparle pas, je fais juste lire. Ah, pas de ma faute. Bon. C'est la faute de mon mois passé. C'est le télésouffleur. C'est le télésouffleur version Word 2000, je sais pas quoi. Donc, on parlait donc de David Bowie avant que je trébuche dans mes mots et que je m'enfonce très, très loin, dans encore plus loin en ce moment. David Bowie, un phénomène surnaturel à lui seul auquel j'aurais pu dédier une année entière de chronique. Ouais. Ah, ici, je dis chronique. Et non. J'aurais pu disséquer scientifiquement tous les aspects de sa personne, parce qu'on s'entend, lui, c'était quand même un homme qui a pris beaucoup de drogue. J'aurais pu parler de drogue, j'aurais pu faire plein d'affaires. Mais pour aujourd'hui, on va s'en tenir à sa caractéristique physique la plus notoire, c'est-à-dire ses yeux. Ah oui? Ah oui, ses yeux. Ah. Vous avez jamais remarqué les yeux de David Bowie? Il y a oui, un peu des yeux bizarres. Un œil bleu, un œil brun. Oui, il y a des yeux vraiment, vraiment bizarres. Okay. Fait qu'on le sait tous, à part pour Mathieu. Mais il y a bien des affaires que Mathieu sait pas. Par contre, il voulait se préparer un gag pour dire qu'il faisait son épicerie chez Maxi. Maxi? Bah oui, Maxi. Bah oui. C'est son fils, Maxi Bowie. Ouais, t'es parfait. Ouais. Oh my God. OK, bon. Fait qu'on appelle Martin et Matt après. Fait qu'on le sait tous, à part pour Mathieu, qu'il possède 2 yeux disparates. Donc, l'œil gauche est à dilater en permanence. Ça lui confère un regard des plus transcendants. On a l'impression qu'un de ses 2 yeux est d'une couleur différente, mais c'est vraiment juste le fait que son œil gauche est tout à fait dilaté en temps normal. Fait que ça concentre un peu la couleur, OK? Fait que c'est pas vraiment la couleur de ses yeux, c'est vraiment juste le fait que sa pupille est dilatée en permanence. C'est comme quand tu vas à Chasse-Garry, tu demandes un latte, fait que là, elle te donne un café, tu dis « J'ai dilaté! » J'ai dilaté. Pareil, Mathieu, pareil. Ben oui. En tout cas, mais d'habitude, ils ont tout le temps ma commande comme du monde. Il faut pas dénigrer les gens. C'était juste pour le gag. Tout pour le gag. On pourrait penser, pour ceux qui sont familiers avec les différentes affections oculaires, que Bowie est atteint d'hétérochromie, un peu comme tu le mentionnais, Tania. Oui, les yeux verts et bleus. Ouais, tu sais, comme les deux yeux pas de la même couleur. Comme par exemple, Kate Bosworth, dont l'œil droit est noisette Nutella et l'œil gauche est bleu. Ou bien Mila Kunis, encore plus belle à mon avis, qui possède deux yeux bruns, mais dont un est visiblement plus clair que l'autre. Fait que c'est de l'hétérochromie, mais il n'en est rien. Ah, mais là, arrête, ma vie est un mensonge. La vie est un mensonge. J'ai toujours pensé que les yeux de David Bowie, c'est sûr. C'est pas de l'hétérochromie. Les yeux excentriques de Bowie ne s'expliquent donc pas par une cause génétique comme l'hétérochromie, ni par une condition congénitale. Donc, il est pas né avec ça. Il est pas né avec ce regard baroque-là. Ah non, même pas. Qu'est-ce qu'il en est, alors? Faites trop de drogue. C'est plutôt une histoire encore plus niaiseuse que ça, je dois l'avouer. Là. Et ça va être sans doute l'émission scientifique la plus courte que j'ai faite de ma vie. OK? On pourrait quasiment dire que c'est de la grandeur d'une chronique. Mon émission est rendue de la taille d'une chronique. On a scindé partout, des coupeurs, tout plein d'affaires. Je suis rendue à sortir la pâte à modeler. Là. Anyway, son chum de gars. Oui. OK? Oui, chum, entre guillemets, chum de gars. Non. Chum de gars, je pense que vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment juste son chum de gars. Il l'a bêtement juste frappé dans l'œil gauche. Et voilà. Hein? Fait que ça fait en sorte que sa pupille, elle est dilatée. Genre. Non. À tout jamais. C'est donc bien malaisant. Tu mal rien qu'un peu. Ben oui. Excuse-moi, man. Je t'ai dilaté un peu pour le reste de tes jours. Ouais, mais après ça, ils se sont dilatés la rate longtemps avec ça. Exact, parce qu'ils étaient comme, look at me, I am a big star. I have two fucked up eyes. And look at me now, I am a big star and not you. Non, mais il y a une histoire derrière ça. C'est en fait que les deux gars s'amourachaient de la même fille, Boswell, tu sais. Okay. On était en 1960. Boswell. Boswell. On était en 1962. Ma mère avait 2 ans. Moi, j'étais pas née. Bowie avait comme genre 15 ans, quelque chose du genre. Et il y avait une grande bouche. On sait qu'il y a littéralement une grande bouche, mais aussi... C'était pas l'accident, c'est la grande bouche. Non, la grande bouche, c'est pas... C'était congénital, lui. Et selon ses dires à David Bowie, il disait donc à son ami George Underwood comment il était un bon Casanova, etc., etc. Alors, George Underwood l'a frappé directement dans l'œil gauche, paf! C'est agressif, mon Dieu! Quand même agressif. Et c'est pas qu'il a frappé fort, mais son ongle a comme un peu écorché l'œil de manière que l'iris ne fonctionnait plus. Ah, je pensais que c'était un super-héros, genre, puis qu'il y avait de la lumière à la place du point. C'est la lumière qui faisait la pupille des petits iris? Oui, mais ça, que oui. La lumière va typiquement, chez quelqu'un de sain, va typiquement faire contracter plutôt l'iris. Ah. Donc, la pupille à l'inverse, elle devient tout petite. Ouais. Parce qu'on veut réduire la quantité de lumière qui rentre réduire la lumière qui parvient à la rétine. Donc, d'habitude, ça va contracter l'iris. Donc, la pupille se rétracte. L'inverse de se dilater, mais dans ce cas-là, c'est l'inverse. Donc, l'iris en est resté atteint. Et l'iris, c'est quoi? Dans le fond, c'est le muscle. Carrément, on a un muscle à l'intérieur de notre œil qui est responsable d'ouvrir ou de fermer l'ouverture par où la lumière passe au travers de l'œil. Donc, cette ouverture-là s'appelle la pupille. Donc, l'iris, c'est la partie colorée au pourtour. Mm-hmm. Et la pupille, c'est l'ouverture au milieu. Et, on ne sait pas à quoi servent les différentes couleurs d'iris dans la vie. Les couleurs, à quoi elles servent? Pourquoi est-ce qu'on a les yeux bruns, bleus, verts? Ça change quoi? C'est selon ta génétique. Ben ça, c'est génétique, là. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi t'as les cheveux bruns, j'ai les cheveux blonds? Quoi? Oh, c'est la même question. Pourquoi? Je dois avouer que j'ai pas fait de recherche sur le... Tu penserais pas qu'il y a un pourquoi, sérieux, à ça, là? Oui, en fait, non, ça sert à quelque chose. Est-ce qu'on voit les couleurs différemment, dépendant de nos yeux? Moi, j'ai plein de questions que sans réponse. Je peux avancer quelques hypothèses. De base, nous provenons quand même des hominidés. Donc, on est comme une espèce de branche très lointaine des primates. Okay? Mmh. On est une branche de primates. Et donc, les primates, typiquement, ont les yeux bruns. Les yeux bruns devraient, à mon avis, protéger davantage des rayons du soleil parce que les couleurs plus foncées plus franches, plus opaques comme ça, sont capables de mieux capter la lumière pour protéger un peu la rétine. Mais parce qu'on s'entend que, mettons, en Asie, les Africains ont pas mal... La plupart, les yeux bruns, non? Ouais, les yeux assez foncés. Ouais. Fait que dans le fond, c'est par des mutations au cours de l'évolution qu'on a perdu un peu de la... du... De l'obscurité du foncé de l'œil. Dans le fond, des mutations sont apparues, dans le fond, pour qu'on en ait abouti à avoir certaines personnes avec des yeux bleus, certaines personnes avec les yeux pères, les yeux verts, les yeux ci, ça, blablabla. Bla, bla. Tout ça pour dire que pourquoi l'iris est coloré, je ne saurais vous dire exactement pourquoi, mais le muscle, lui, est coloré, en effet. Mais c'est le muscle qui fait en sorte que lorsqu'il se contracte, la pupille va devenir toute petite, et lorsque le muscle se relâche, la pupille va se dilater. Yep. Et David Bowie, de l'œil gauche, ben, il n'est plus capable de faire ça. Ben non. pour les curieux, on retourne à notre histoire, George Underwood, c'est-à-dire celui qui l'a frappé dans l'œil gauche. George Underwood et David Bowie sont restés amis et sont même devenus des partenaires artistiques. Ah. Eh oui. Ayant entre autres sorti un album ensemble lorsqu'ils faisaient tous deux partie du groupe King Bees. Quand même, ça fait pas finalement, il y a pas pété l'œil. Ouais, finalement. Et Underwood a aussi aidé au design des albums Hunky Dory en 1971 et The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars en 1972. Fait qu'ils sont restés de bons amis super longtemps. Underwood, il paraîtrait que Underwood a souffert d'un cancer et qu'il souffrait d'un cancer. David Bowie s'est beaucoup occupé de lui. Ben, beaucoup. Se serait occupé de lui au moins en partie. Donc, ils sont restés de proches amis assez longtemps. Donc, la condition dont souffre David Bowie, qui s'appelle dans le fond l'anisocorie, ou l'anisocorie en anglais, n'a pas causé trop de froid entre ces deux-là. Je sais pas qu'est-ce qui est advenu de la fille qui a embrasé leur passion et qui se sont pour laquelle ils se sont battus. Et voilà, mais l'anisocorie en fait beaucoup plus fréquente qu'on ne le croirait en vraie vie. Il y a à peu près 20% des gens qui souffrent de ça. Pas qu'on en souffre, mais l'anisocorie, tout simplement, ça veut juste dire que les deux yeux sont pas pareils. Ouais. Ça veut tout simplement dire que les deux yeux, la pupille n'est pas dilatée au même niveau. Mais ça veut-tu dire que tu vois moins bien vu que ta pupille est dilatée? Dans certains cas, tout à fait. Ouais. Dans le cas de David Bowie, il a des troubles avec les perceptions de la profondeur. OK. Chez d'autres personnes, chez qui l'anisocorie est vraiment légère, que j'ai juste un œil un petit peu plus dilaté ou un petit peu moins dilaté que l'autre, ça peut avoir absolument aucun effet. Parfois, ça peut être un signe de quelque chose beaucoup plus grave, comme souvent on voit dans les émissions style Grey's Anatomy ou Trauma, ou je sais pas quoi, il essaie de mettre une lumière dans l'œil de la personne qui vient de souffrir un trauma crânien. Et puis, si la pupille ne répond pas à la lumière, donc techniquement, la pupille serait censée devenir plus petite, donc l'iris serait censé se contracter. Si elle ne se contracte pas, c'est fort probablement qu'il y a paralysie du nerf oculaire, du nerf oculomoteur qui s'occupe, dans le fond, d'innerver l'iris qui est responsable là, de la dilatation ou de la contraction de la pupille. Fait que des fois, ça peut être signe que ça, qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, mais le trois quarts du temps, je sais pas, je sors un chiffre de bas. Le 3 encore, 75 poils du temps, il se passe pas grand chose de vraiment sérieux à ce niveau-là. Et donc, c'est pour ça, David Bowie était atteint feu David Bowie. Ouais, ben il est sûrement encore, même enterré. Je sais pas, il faudrait aller voir. Peut-être qu'il est redevenu normal. C'est ça. C'est pas de ça. Ben parce que tes muscles se rétractent, non? Ben oui. Quand tu meurs? Ben oui. OK, non. Ben ça voudrait dire d'abord que son œil droit est devenu tout aussi dilaté que l'autre. Ça se peut maintenant qu'il soit normal. Peut-être, hein? On peut-tu réouvrir ça? On peut juste voir. Est-ce que passé une demande. Underwood, est-tu mort? Non, il est pas mort. Il est pas décédé. On pourrait aller frapper le rosaire. On pourrait aller demander à lui. Frappe l'autre œil, ouais. L'autre œil. Et voilà. Fait que, puis en fait, voilà. Techniquement, David Bowie est seulement atteint d'anisocorie et donc il a une mydriase de l'œil gauche en permanence. C'est-tu plate comme histoire? Non, c'est des beaux termes en c'est plus. C'est ma chronique la plus simple et la plus... mais tu sais, en fait, il faut revenir en douceur parce qu'il a commencé à parler de la génétique des poils de chat, là. La dernière fois, je vous ai laissé. Mais c'était intéressant. Oui. Ben, c'était intéressant, mais c'était tellement lourd comme matière. Mais moi, on avait fait jouer les chats à la fin pour compenser. plein de musique de chat. Et Et juste pour vous remettre un peu dans le bain, vous vous souvenez que j'ai quand même l'âme musicale. J'aurais bien voulu avoir seulement une chronique scientifique, mais je suis pas capable de faire sans musique. Habituellement, habituellement. T'as pas Daniel Bélanger aujourd'hui? Non, Danby is not there. Non, no Danby. Non, non, Daniel Bélanger m'a écrit pour me souhaiter la bonne année. C'est sans que tu lui demandes, il a fait ça de sa propre volonté. De son propre gré, de ses propres doigts. Il m'a envoyé un peace avec les doigts, là, comme l'espèce d'emoji. Il m'a envoyé ça. Il m'a juste écrit bonne année avec un peace. Puis j'ai. C'est-tu parce que tu y écrivais aux deux minutes, puis tu dis je vais y souhaiter bonne année? Non, mais ça fait à peu près une semaine que je pose des photos de profil de lui. C'est vrai. C'est genre mon image, c'est Daniel Bélanger. Et vous devez tellement être écœuré. Ben, j'ai à peu près trois amis sur Facebook. Okay. Donc, Tania, Mathieu et ma mère. On la salue. Mais non, mais select. Les 147 autres, vous devez être écœurés pas mal de voir ma photo de profil. J'ai changé un matin pour David Bowie. Et c'est d'ailleurs la musique de David Bowie que je vais vous faire écouter ce matin. Techniquement, je devrais vous mettre de la musique qui a rapport plus avec le sujet qui serait l'œil, là, mais là, sérieusement, je m'en fous. J'aime beaucoup c'est trop David Bowie, pour jamais. Ça. Donc, on va écouter des chansons qui sont pas mal moins connues de lui. Bon, la première n'est pas si mal connue que ça, mais les autres, vous allez voir, dont une qui provient de son dernier album. Mais on va tout de suite aller écouter... Young Americans, une très douce chanson à saveur de saxophone et c'est fantastique. Young Americans, David Bowie. Justine Pertine. Yeah. A funny thing, am I still too young? He kissed the van on there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She was a young American. Young American, all the way from Washington. Her breadwinner begs off the bathroom floor. We live for just these 20 years. Do we have to die for the 50 more? Friday. When the funk to the funk. fiction, fiction. Tu fais ce que tu veux, garbage. Spectre with the rush up. Split a dead from his ding ding. Fiddy viddy at the China. Whoa. c'était Ashes to Ashes de David Bowie, ma chanson préférée de tous les temps de David Bowie. Je vous ai pas fait jouer Space Oddity parce qu'aujourd'hui, vous allez en avoir plein vos oreilles avec l'anniversaire du décès du grand Thin Duke. Juste avant ça, on avait entendu Girl Loves Me de son dernier album, Black Star, et avant ça, Young Americans, une petite chanson un petit peu plus connue de David Bowie. Et donc, ce qui clôt ma chronique, Justine Tertine. Retour de Justine Tertine. I'm back. Enfin. Le retour, et on parlait justement là, de l'anisocorie de David Bowie, et non c'est pas l'hétérochromie. Non. Il n'est pas hétérochrome. Et les rumeurs sur son homochromie sont juste des rumeurs. Qu'il est homochrome. Il est un petit peu homo sur les côtés. Ben, mais c'est correct. Sa femme était tellement belle imam, la modèle, la top modèle imam. Oh mon Dieu. Justine, on te retrouve dans deux semaines. Tu partiras pas pour l'Italie d'ici la fin de la session? Ben, je devrais pas. Mais si jamais j'ai à quitter, je vais vous le dire d'avance. Merci. Je vais m'organiser pour pas que ce soit un épisode, une chronique qui nécessite des justifications post-mortem. Là. La dernière fois avec les chats, là, j'aurais dû revenir sur la matière parce que là, je suis pas sûre que vous passeriez un examen aujourd'hui puis que vous seriez en mesure de moi, je me rappelle dire. Quand t'as fait ce je me rappelle sur de plusieurs choses par exemple quand même. Je peux pas te les dire là mais moi. Si tu me poses des questions peut-être faudrait réécouter l'extrait. Oh. Bon, on va aller chercher des archives. Ouais. Une autre fois. Justine, tu restes avec nous un peu? Ah oui, je reste un peu. Parce que, en fait, j'ai tellement de la misère dans la vie avec tout ce qui est finance et tout. Et donc, j'ai vraiment besoin de Tania pour m'aider à faire une espèce de me dire si ça veut dire quoi, débit et crédit. Ah mon Dieu! Argent fictif ou argent réel? Ah, c'est ça! Et ça tombe bien, c'est elle qui va faire sa chronique au retour. On parle de finance dans Tania is gonna entertain ya à Assemblage Requis dans 2 minutes. Le qui pour toi aujourd'hui, assemblage de qui. C'est fou 89.1. Sometimes. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention Alcotube Plus. Assemblage Requis. Oui. Assemblage Requis. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi 10 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On a gardé Justine Renaud de la chronique précédente. Dans un petit coin quelque part. Ben oui, c'est ça, avec sa petite tasse de bûcheron, là. Bûcheronne. Faut féminiser les choses. Oui. La raison pour laquelle Justine est restée, c'est que Tania, tu vas nous parler de finance. Oui, exactement. Je tiens à dire en passant, j'ai écrit sur Facebook que si vous étiez des femmes, vous aviez en bas de 30 ans, puis vous aviez de la difficulté à comprendre ce qui se passait dans votre compte en banque. C'est parce que je me suis fait répondre, c'est quoi, les gars peuvent pas écouter la chronique. Ouais. Alors oui, sachez que les gars peuvent aussi écouter la chronique. C'est juste que la moitié va être basée sur comment les femmes on gère notre argent. Donc, vous allez peut-être mieux comprendre pourquoi j'ai ciblé les femmes sur les réseaux sociaux ce matin, mais sachez que les hommes, vous êtes aussi interpellés, ne vous en faites pas, parce qu'il y a une partie de la chronique où je vais vous dire qu'est-ce qu'on devrait avoir fait avec notre argent avant 30 ans. C'est Aya is gonna entertain. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain. Tania Potter. Bonjour. Cha-ching. Ça va bien? Oui, toi? Très bien, merci. Cool, Justine? Toujours. Ça va? Ouais, cool. C'est poli tout ça, hein? Ben oui. Bonne année, hein? C'est bonne année, c'est vrai, on l'a pas dit. Ce qui m'a interpellée ce matin pour parler de finances, c'est surtout que j'ai trouvé un article hier soir en fouillant un petit peu sur internet, à savoir pourquoi est-ce que les femmes on avait de la difficulté à gérer nos comptes en banque, à gérer notre argent, quand la plupart du temps c'est nous qui surtout en couple, on va s'occuper de l'épicerie, on va s'occuper de payer les factures puis tout ça, mais en théorie on sait pas nécessairement le nombre pour que sur le paycheck de monsieur ou quoi que ce soit. On va juste prendre le montant d'argent qui nous est donné pour justement payer cette partie-là qui, en théorie, revient, entre guillemets, de grands guillemets, aux femmes. Et ça m'a beaucoup parlé, en fait, parce que je me suis posé justement la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Et là, je me suis donné à faire des recherches et j'ai trouvé, en fait, que présentement, au Québec, on a une grande augmentation des femmes qui ont beaucoup d'argent. Ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas depuis de bon nombre d'années. Ce sont des femmes qui ont des carrières, qui font de l'argent, qui utilisent leur argent et qui, surtout, sont capables d'en parler sans tabou. Avant, c'était assez difficile de pouvoir dire que tu faisais de l'argent, que tu étais célibataire, par exemple, ou que tu faisais plus d'argent que ton mari, parce que, en théorie, c'était ton mari qui était censé aider à tes besoins. Donc, on a une grande augmentation de ces fameuses femmes-là qui prennent la place. On appelle ça le fameux 1%, mais ce pourcentage-là, en théorie, il augmente d'année en année depuis 1980 et on se rend compte que c'est la même chose un petit peu partout au Canada, pas simplement ici au Québec, mais aussi aux États-Unis. Donc, le nombre de millionnaires et de milliardaires à talons hauts, présentement, ça bat des records. Donc, selon les dires qu'il y avait dans l'article qui disait que les femmes, on a quand même de la difficulté à gérer notre argent, c'est surtout qu'on sait pas qu'est-ce qu'on gère, qu'est-ce qui se passe avec justement cette fameuse argent-là et d'où ça vient ce manque de connaissances-là du côté financier pour les femmes. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Eh bien, selon Statistique Canada, il y a quand même plusieurs chiffres qui sont un petit peu, je ne vais pas dire alarmants, mais si on pose la question, tu sais, on est à l'université présentement, est-ce que vous côtoyez beaucoup de gens, beaucoup de femmes qui sont en finance, qui étudient en finance? C'est vrai que non, hein? Je côtoie personne. Pas d'amis. Bien, c'est parce que justement, les chiffres de Statistique Canada disent que la plupart du temps, 65 % des étudiants en finance sont des hommes. Mm-hmm. Donc, en théorie, la connaissance financière, ce ne sont pas les femmes qui l'ont, c'est vraiment les hommes parce que ce sont eux qui étudient là-dedans. Donc, on se rend compte que oui, les filles sont capables de payer leurs comptes, sont capables de voir c'est quoi la différence entre un compte chèque, un compte crédit puis un compte épargne. Justine, explique-nous ça. Prochaine chronique. Sauf que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre argent? Qu'est-ce qu'on va faire avec notre argent, justement? Qu'est-ce qu'on doit mettre de côté pour, par exemple, une hypothèque ou quoi que ce soit? C'est pas nécessairement la fille ou la femme qui va avoir cette connaissance-là, c'est vraiment le gars, parce qu'il va avoir été interpellé dans le passé à faire des études en finance, parce que souvent, c'est une porte d'entrée pour des gars qui, par exemple, étaient en sport ou avaient pas nécessairement l'envie d'aller en médecine ou quoi que ce soit. Et c'est un bon métier, mais dans lequel on voit beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc déjà en partant, les chiffres montrent que les hommes ont une plus grande facilité à gérer des comptes en banque et à comprendre ce qui s'y trouve. Ce qui est pas totalement faux parce que si on regarde ça, je regardais justement ce qu'on devrait faire avec notre argent avant d'avoir 30 ans, puis je me disais OK. Oui, c'est la définition de la moitié de ce qui se trouve dans cet article-là, s'il vous plaît. Et je ne comprenais absolument rien, mais la plupart des choses qui étaient mentionnées, je croyais que tu devais les faire après 30 ans. Mais non, en théorie, tu dois les faire avant 30 ans. Donc, j'étais là, bon, ben finalement, c'est vraiment la connaissance financière du côté féminin qui est moins développée que du côté des gars. C'est vrai, on va, tu sais, même au primaire, même au secondaire, les gars en mathématiques, tu sais, oui, les filles vont avoir parfois des meilleures notes ou quoi que ce soit, mais cette espèce d'intérêt-là pour les mathématiques est beaucoup plus développé du côté masculin que du côté féminin. Je sais pas pourquoi. Fouillez-moi pourquoi. J'ai pas trouvé pourquoi non plus dans mes recherches, mais c'est vraiment les chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui disent que la plupart du temps, quand tu vas aller à la banque, tu vas pas nécessairement rencontrer une aide financière qui va être féminine, tu vas vraiment rencontrer un conseiller. Ça va souvent être des gars qui vont être dans les banques et qui vont t'expliquer ce que tu dois faire avec ton argent. Donc, de ce côté-là, c'est vrai, mais on devrait voir justement dans les prochaines années une espèce de boost des femmes qui vont être en finance, des femmes qui vont savoir quoi faire avec leur argent et qui vont surtout avoir de grandes entreprises. Les femmes, on a ce côté, selon mes recherches, on a ce côté-là qui est développé de pouvoir faire du PR, de pouvoir parler, de pouvoir justement faire parler de notre compagnie, de développer une compagnie qui va avoir quand même, qui va engendrer beaucoup d'argent, mais de s'occuper des finances, bien souvent, lorsque tu vas aller dans une compagnie qui est gérée par une femme, la personne qui va être aux finances va être un homme. Parce que les livres vont être gardés par des hommes, vont avoir été souvent été en appel pour un poste et les CV qu'on reçoit vont être ceux des hommes parce que les femmes, on n'est pas interpellées à gérer des portefeuilles. Ça nous tente juste pas, peut-être parce qu'on le fait trop à la maison. Puis, je parlais justement aussi de... Tu sais, on est habitué de gérer les comptes en banque à la maison. Tout à l'heure, je disais épicerie, tout ce qui vient, par exemple, gaz et tout ça. Mais c'est vrai que lorsqu'on y pense, la plupart du temps, on va tout simplement demander pour la plupart. C'était beaucoup ça dans le temps aussi, c'est qu'on demandait la partie de ce que ça prenait pour payer l'épicerie. Donc, par exemple, on attendait que, je sais pas moi, Roger reçoive son paiement de la semaine. Puis on disait, OK, ben cette semaine, ça va coûter 45 $ aller faire l'épicerie. Et il nous donnait 45 $. Ouais. Mais on n'avait aucune idée ce qu'il y avait sur le chèque de paye. Combien il lui restait, ouais, à lui. Exactement. Donc, en théorie, lui-même le savait. C'était lui-même qui faisait les calculs pour savoir ce qui allait rester à la fin du mois. Donc, de ce côté-là, c'est peut-être justement ce qui a fait en sorte que les femmes aujourd'hui, on veut avoir une plus grande manœuvre du côté financier, on veut savoir ce qu'on fait avec notre argent, on veut savoir justement combien qu'il y a sur le paycheck. Mais ce qu'on voit aussi au Québec présentement, c'est qu'il y a de moins en moins de comptes conjoints. On gère notre argent individuellement, même si on est en couple depuis plusieurs années, parce que ça aussi, ça a été démontré selon les statistiques, c'est qu'il y a un plus grand nombre de divorces, plus grand nombre de gens qui se marient pas non plus. Donc, d'avoir des comptes individuels, ça te permet d'avoir cette latitude-là de pouvoir faire ce que tu veux on avec comprend. Ta propre argent. Mmh. Et si jamais on décide d'acheter quelque chose, on va faire moitié-moitié. Ouais. Quand que c'est un compte conjoint, bien, c'est un petit peu différent. Puis, on va mettre l'argent, les deux, dans le même compte pour pouvoir arriver à faire quelque chose. On va gérer l'argent ensemble. Mais maintenant, ce qu'on voit, c'est des gens qui vont vraiment avoir leur argent de côté, leur argent côté des deux côtés et on va pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Donc, il y a une très grande différence de, par exemple, la génération de nos parents qui géraient leur argent en compte conjoint et notre génération à nous qui, quand on va se ramasser en couple, marié ou tout simplement conjoint de fait, mettons. Concubinage. C'est ça, bien, on va gérer notre argent chacun de notre côté, mais on va le faire peut-être mieux parce qu'on va être au courant les deux de ce qui se passe dans nos comptes en banque. Mmh. Donc, on va se croiser les doigts pour savoir si on connaît vraiment ce qui se passe du côté de nos comptes en banque parce que du compte conjoint, ce que moi, j'ai pu en voir selon mes recherches, puis tout ça, selon aussi les discussions que j'avais avec mes parents quand j'étais plus jeune, c'est de voir que lorsque justement tu voulais acheter quelque chose comme par exemple une maison ou quoi que ce soit, si quelqu'un ne connaissait pas qu'est-ce qui était une hypothèque, l'autre le savait. Mais il y a aussi l'affaire de crédit. Tu sais, si tu as un mauvais crédit, ouais, à arriver avec un compte conjoint, mais ça peut beaucoup venir aider ton cas que si vous y allez de façon individuelle, puis un des deux a un mauvais crédit, là, si on décide d'acheter une maison, ça va être un petit peu plus difficile à ce moment-là. Donc, il y a des pour et des contre à un compte conjoint. Moi, je pense que ça dépend de ce que tu veux faire avec ton argent. Ça peut être un entre-deux aussi. Nous, on avait chacun notre compte, mais un compte conjoint aussi. Donc, on envoyait notre part égale du loyer et de l'épicerie dans oui, le compte conjoint. C'est ça. Ou lui mettre tout le kit au complet dans le compte conjoint. Comme on pourrait dire un compte épargne, mais qui est juste pour l'épicerie, pour le mettons. Coup, exactement. Ouais. Un compte différent, juste pour les achats de coûts. Ouais. Un troisième compte, entre guillemets. Tout à fait. Je fais des guillemets avec trois doigts, tellement que c'est... En théorie, qu'est-ce qu'on devrait avoir fait avec notre argent avant d'avoir 30 ans? C'est un petit peu inquiétant. Non, mais la vie est quand même pleine d'imprévus, ça, on le sait. Et la plupart du temps, les jeunes d'aujourd'hui vont y aller de paycheck en paycheck. Ouais. Donc, de paye en paye pour la plupart du temps, mais on devrait se constituer un fonds de secours, ce qu'on appelle... Ah, ouais. Oui, de wow, l'épargne, tu sais, mettons, oui, c'est ça. C'est souvent ça qui va coûter cher parce qu'on va devoir réaliser à un certain moment qu'on peut moins dépenser que l'on veut économiser. Ouais. Donc, c'est là que c'est difficile. Mais en théorie, lorsqu'on commence très jeune, si, par exemple, on commence vers l'âge de 13-14 ans, ça se voyait. Moi, à mon école secondaire, il y avait cette fameuse caisse-là où tu pouvais mettre de l'argent dans ton compte. Oui, le lavage de cerveau de Desjardins. Exactement. Oui. Bien, ces gens-là, en théorie, aujourd'hui, ont une plus grande facilité à économiser de l'argent logique que ceux qui ne l'ont pas fait. Allô? Oui, je lève ma main. Parce que ces gens-là ont été habitués à mettre une partie de leur argent ou une partie de l'argent de leurs parents, on s'entend, c'était souvent ça au secondaire ou au primaire, de côté sans trop demander en retour. Donc, cette fameuse côté d'économie-là a été beaucoup plus développée jeune, tandis que pour les autres, c'est beaucoup plus difficile rendu, par exemple, à 18 ans. Mmh. Tu te dis, je vais aller au restaurant avec mes amis, je me sors 20$, finalement, tu sors de là, ça t'a coûté 50$. Ouais. C'est pas de l'économie. Tu sais, t'aurais dû dire, ah, j'ai 20$, je vais essayer pour 15. Mmh. Donc, ces gens-là ont une plus grande connaissance de l'économie versus ce que les gens qui l'ont pas fait connaissent. Donc, ce qui est important, selon le montant qu'on a besoin, qui nous est propre, mais en général, c'est quand même judicieux de disposer justement d'un montant qui va représenter 3 à 9 mois de dépenses courantes en fonds de sécurité. Parce que si jamais il arrive quoi que ce soit, tu sais, il y en a combien qui, leur voiture, ont un problème, mais on va la laisser au garage parce que... Écoute, j'avais pas calculé cet imprévu-là. Donc, ces fameux imprévus dans la vie courante, ça doit être pris en compte avant d'avoir 30 ans. Moi, j'en ai un imprévu dans ma vie. Avant, j'avais pas d'amis, mais maintenant, j'ai des amis. Fait que moi, visiblement, ça coûte cher avoir des amis. J'en veux plus. Bon, OK, laisse faire le bord, on ira pas rien faire. Ouais, c'est ça. Comment on ira pas. Ce qu'on doit faire aussi avec notre argent avant d'avoir 30 ans, c'est de pouvoir négocier notre salaire. Ah, c'est oui. Quelque chose qu'on doit apprendre à faire avant d'avoir 30 ans. Donc, on doit pas attendre d'avoir une augmentation ou d'avoir une prime qui va nous tomber du ciel ou qui va tout simplement nous être donnée par notre employeur. Si notre supérieure, par exemple, remarque qu'on a un dévouement, on a une efficacité au sein de la compagnie, elle va souvent augmenter par elle-même notre salaire. Mais ce qui est bien de faire avant 30 ans, c'est justement d'avoir ces petites discussions-là avec notre employeur ou notre supérieur pour justement avoir une latitude au niveau de ce que l'on veut, nos espérances, versus ce qu'eux s'attendent de nous. Ouais. Parce que c'est souvent là qu'on va pouvoir dire « Fais-tu vraiment la job? » ou « Finalement, je fais pas la job? » ou t'sais, et de pouvoir voir à quel point... tu peux avoir un jeu de manœuvre selon ton salaire. Ça veut pas dire que ça va fonctionner de la première fois, mais non, tu essaies, puis après ça, ça va peut-être le prochain budget, il va y avoir quelque chose de possible. Oui, puis il y a des choses aussi à ne pas dire lorsqu'on essaie de négocier un salaire. C'est sûr qu'il faut chercher qu'est-ce qu'il faut pas dire selon la compagnie dans laquelle on travaille ou peu importe, mais il faut avoir en tête que le salaire qu'on mérite, ça prend en considération les conseils, par exemple, d'une femme qui a 28 ans, qui a un salaire de 30 000 $ par année, mais qu'il y a 3 enfants à la maison, ça vient jouer en ligne de compte. Ce sont des arguments qui peuvent très bien rentrer dans une demande d'augmentation de salaire. Donc, d'avoir des débuts précis à cette fameuse conversation-là, pas juste d'avoir une augmentation de salaire pour amener une augmentation de salaire, c'est d'arriver préparé à cette fameuse discussion-là avec son supérieur et de pouvoir le faire avant d'avoir 30 ans. Bon, mais là, c'est pas parce que ça dit avant 30 ans que vous pouvez pas le faire après 30 ans. Non, c'est ça, exactement. En théorie, on devrait économiser au moins 10 % de notre revenu pour une retraite. Quoi? Parce que les gens d'aujourd'hui ne font de moins en moins. Tu sais, ces fameux REER, là, c'est cette fameuse retraite où qu'on se dit, ah, finalement, tu sais, quand j'étais en retraite, là, ça va bien aller. Ouais, ouais. On devrait commencer avant d'avoir 30 ans à justement se mettre de l'argent de côté pour notre retraite. Parce que ça va être de plus en plus difficile d'avoir de l'argent pour une retraite. Ouais, mais moi, je veux pas prendre ma retraite. Ça marche-tu, ça? Okay. Ah, ben, t'es correct dans ce cas-là. M'a mourir à 27 ans. Il me reste 6 mois. Non, 5 mois. C'est correct, ça. Il y a certains domaines aussi où tu peux pas, tu sais, mettons... tu peux pas, mais c'est plus difficile de mettre de l'argent de côté pour une retraite. Mettons, Mathieu puis moi, dans le domaine de communication comme ça, tant et aussi longtemps que t'es encore capable de parler devant un micro, t'as cette possibilité-là de le faire. Donc, tu sais, si la radio existe encore, quand on sera vieux. Exactement. Mais il y a des experts, en fait, qui recommandent de mettre de côté au moins, justement, 10 % de notre salaire. Ça veut dire qu'il y a deux fois et demi ton 4 % sur ça, c'est à fait. C'est beaucoup. À chaque fois. T'es bon de le mettre de côté pour notre retraite. Oui. Mais avant 30 ans, avant bien évidemment. Ans, oui, avant oui. 30 ans. C'est de commencer ces choses-là pour justement, lorsqu'on va avoir 30 ans, avoir une connaissance de ce que c'est qui va être beaucoup plus développée. Mmh. On devrait aussi se fixer des objectifs et commencer à mettre de côté pour les achats importants. Donc, par exemple, une maison. Je parlais de REER tout à l'heure. C'est sûr ça peut rentrer dans des achats importants, mais si on se dit, je sais pas moi, alors j'ai 32 ans, je veux avoir mon bateau, ben commence à y penser avant 30 ans. C'est logique, hein? Ça irait mieux selon ton compte en banque si tu y penses avant. On parle aussi de se fixer des objectifs d'enrichissement. Donc, tu sais, on va souvent dire avoir un conseiller en banque, c'est pas bon. On veut juste prendre mon argent pour le mettre ailleurs, pour le faire fructifier. Puis, tu sais, il y a des choses qu'on doit justement se renseigner, qu'on doit faire des recherches, mais de pouvoir mettre un montant d'argent pour justement avoir des objectifs d'enrichissement. Se dire que c'est possible de s'enrichir avec ce qu'on a déjà fait, c'est d'avoir des objectifs d'épargne aussi. C'est de pouvoir ça comme une épargne. Et on doit se fixer des objectifs en ce qui concerne notre salaire annuel et aussi notre salaire net. Donc, ne pas y aller avec de trop grands espoirs pour nos enrichissements, là, on s'entend. Dis-toi pas que dans deux semaines, tu vas pouvoir acheter le Beach Club. Là, c'est un peu... T'es obsédé aujourd'hui par le Beach Club. J'ai vu un article tantôt, c'est juste pour ça que j'ai pensé à ça. Parce Mathieu, ça te tente pas d'aller travailler au Beach Club, servir des drinks? Ben oui, je verrai Mathieu. Ben oui. Elle essaie de prendre ton poste. Là, ça. C'est ça, t'as tout compris. On parle aussi de plans financiers avec ces fameux objectifs d'enrichissement-là. C'est si jamais on décide de vouloir, par exemple, se partir une compagnie, quelque chose qui va vraiment en augmentation au Québec, au Canada, un petit peu partout ces temps-ci, c'est de voir de plus en plus de compagnies qui vont agrandir, qui vont prendre vie, en fait. Et c'est d'avoir un plan financier pour atteindre notre objectif, ce qu'on veut voir à la fin de l'année, ce qu'on veut avoir à la fin de l'année, profit versus ce qu'on a dépensé. Donc, c'est d'avoir vraiment un bon plan d'attaque pour tout ça. Il faudrait aussi penser à notre assurance dont on a besoin. Que ce soit, par exemple, pour une assurance vie, que ce soit pour une assurance dent. Tu sais, il y en a plusieurs que ça vient avec leur travail, mais il y a des domaines dans lesquels ça vient pas du tout genre avec le travail. Genre radio, nous. Donc, c'est complexe. Mais à 30 ans, on devrait avoir la couverture qui correspond à notre mode de vie. Mm-hmm. Donc, par exemple, je sais pas moi, si tu es tout le temps sur la route, tu vois jamais rien. En théorie, avoir une assurance lunettes, ça serait pas pire, là, on s'entend. Donc, c'est d'y aller vraiment avec les besoins qu'on a, ou si jamais on voit qu'on a toujours des problèmes de santé, d'y aller avec une assurance vie, une assurance médicaments, tout ça. Ouais. C'est quelque chose à laquelle on doit penser avant d'avoir 30 ans. Donc, une assurance santé, une assurance habitation, une assurance auto, invalidité. Tu sais, l'invalidité, c'est quelque chose qui peut arriver très, très rapidement à la suite d'un accident ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, on a juste besoin d'une couverture en polar. Oui, c'est ça. Ça peut être un genre d'assurance. Tu restes dans ton lit, tu restes en couverture en polar. Ah oui, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Une couverture. On doit mettre en place, en théorie, une méthode pour suivre nos dépenses. C'est le fun d'aller faire un tour dans son compte en banque. Ouais. Non, c'est pas le fun. Fois de temps en temps, c'est pas le fun. Mais on doit le faire. Parce que sinon, on n'a aucune idée on est rendu où dans notre salaire. On n'a aucune idée on est rendu où dans nos comptes épargne, dans nos paiements. Les paiements, c'est un paiement qui passe puis ton compte est rendu dans le zéro, dans le rouge. Tu vas avoir 45 piastres de frais. Exactement. Ouais. Tandis que si tu y aurais été deux semaines avant et tu t'étais dit « OK, non, en fin de semaine, je pourrais pas sortir avec les chums parce qu'il faut que je paye mon auto la semaine prochaine. Puis là, si je sors, je pourrais pas payer mon auto. » Oui, genre, c'est ta fête qui s'en vient puis ta fête, c'est tes plaques aussi, tu sais. Oui, exactement. C'est ça, mais sachez que vous pouvez les mettre par mois maintenant à la SAEQ. Oui, c'est quelque chose qui est possible. Avant 30 ans. Oui, c'est ça. On doit aussi être capable, avant 30 ans, de pouvoir rembourser une partie de notre prêt étudiant. OK, oui. C'est sûr qu'on ne parle pas que si vous êtes tout de suite aux études, de pouvoir rembourser la totalité de votre prêt, mais de commencer justement à avoir cette facilité-là, à se dire, OK, ben ce montant-là, je n'aurai comme pas le choix de le mettre pour mon prêt étudiant. C'est de le faire avant d'avoir 30 ans. C'est une très bonne idée aussi. Si tu es déjà en train de faire un paiement, par exemple, pour ton prêt étudiant ou peu importe ce que tu as comme dette, là, dans mon cas, une consolidation de dette, sinon, ça peut être une télé que tu t'es achetée par mois. Mais une fois que ton paiement est terminé, que ta télé est payée ou ton prêt étudiant est payé, continue de faire le même paiement, mais dans un compte d'épargne. Parce que tu es déjà habitué au beat d'avoir pris cet argent-là de côté. OK, oui. Tout ce qu'on vient de parler, ça revient aussi un petit peu à devoir penser, avant d'avoir 30 ans, à faire des paiements qui sont automatisés. Oui, ben c'est toi qui m'as fait beaucoup penser à ça, Mathieu. Il faut absolument penser à faire ça parce que, justement, on parle d'économie, on parle de responsabilité, on parle de pouvoir avoir des REER, on parle de pouvoir avoir une maison à un certain moment. Mais si on se gère, puis on est capable d'avoir des paiements automatisés, bien, en théorie, notre budget va suivre en fonction de ces paiements autorisés-là. On va parler de 4%, mettons. T'as un 4%, on va dire 50$, je sais pas combien ça fait, 4%, on s'en fout. Bon, donc, mettons, t'as 50$ par mois, ben, ça, tu peux le programmer dans ton compte pour le mettre le jour même de ta paye. Mettons que la paye est aux deux semaines, tu dis, bon, ben, à telle date et aux deux semaines, tu mets ce 50$-là dans mon compte d'épargne, et sans même t'en rendre compte, tu vas être rendu à 500, 600, 700. Petite parenthèse. Oui. On parle souvent dans la chronique Les instructions d'assemblage du Life Hacker Ultimate Money Challenge, qui est un. À chaque mois, ils ont un petit défi, comme mettons, bon, il y a un mois, c'était pas manger de restaurant du tout. Un autre mois, c'est pas faire d'achats, qui sont pas prévus, quelque chose comme ça. Cette fois-ci, le mois de janvier, c'est d'économiser 1$ le premier du mois, 2$ le 2 du mois, 3$ le 3 du mois, 4$, etc., etc., jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 1er février. Et si tu commençais, là, l'article date du 4 janvier, tu aurais eu 406$ d'économisé dans ton compte d'épargne. C'est sûr que c'est beaucoup et probablement tu vas devoir couper dans d'autres dépenses, mais tu vas économiser vraiment, vraiment très, très vite. C'est sûr. Ah oui. Puis ça va enlever aussi un stress immense. Tu sais, ouais, quand on n'a pas des paiements autorisés, c'est à chaque mois de devoir penser à « Oh, OK, il faut que je paye mon char, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mon épicerie, il faut que je paye ci, il faut que je paye ça. » Tandis que si on a des paiements automatisés, par exemple, pour le loyer, pour la voiture, pour l'assurance, bien, automatiquement, ça nous enlève un stress parce qu'on n'a pas à penser à devoir gérer cet argent-là. Ça a changé ma vie, je vais dire, ça va le faire. Ça a changé ma vie. C'est sûr, j'en doute même pas, et je vais le faire maintenant. Je te check. Faut sans doute, par exemple, s'assurer que l'argent est là. Mais oui, mais oui. C'est juste ça. Mais d'où l'idée d'avoir un coussin aussi. On parle d'un coussin, mais on parle aussi à un certain moment, avant d'avoir 30 ans, à passer à avoir un deuxième emploi. Ouais. Si on a le temps de pouvoir le faire, si on a aussi la volonté de pouvoir le faire, un deuxième emploi va souvent arriver à nous avoir une plus grande économie d'argent, donc une plus grande capacité à pouvoir faire quelque chose. Et à ce moment-là, on a un compte en banque qui va juste mieux aller et notre économie va être beaucoup plus facile à faire à ce moment-là. Donc, d'avoir deux emplois, tu sais, souvent, on se dit « OK, ouais, mais j'ai pas besoin de stresser avec deux jobs, là, j'en ai déjà une. » Mais souvent, c'est ce montant-là qui va faire en sorte que on va beaucoup moins stresser parce qu'on va avoir cet argent-là pour pouvoir faire, par exemple, quelque chose qu'on pensait pas pouvoir faire. Exactement. Et un sideline, c'est toujours bon aussi d'avoir un sideline qui te tente de, non pas juste nécessairement genre passer à tondeuse. Si t'aimes le passer à tondeuse, vas-y fort, là. Mais un sideline, ça pourrait être quelque chose qui t'intéresse et qui pourrait même peut-être devenir éventuellement ton premier emploi. Tout à fait. Ton premier emploi pourrait prendre le bord. C'est sûr. Ouais. On devrait aussi, avant 30 ans, à devoir penser à avoir une cote de crédit qui est quand même assez élevée. C'est difficile. Parce que rendu à 30 ans, la plupart du temps, c'est qu'on se dit qu'on justement on va acheter une maison et ça va se baser sur la cote de crédit, sur ce qu'on doit pas, comment on a géré notre argent avant d'avoir 30 ans. Donc, cette fameuse idée de pouvoir penser à gérer notre argent avant d'avoir 30 ans, ça va seulement être bénéfique après 30 ans. Tout à fait. Voilà. Wow! Tania, c'était extraordinaire. Tu as une chronique comme toujours. Merci. T'as bien fait ça. Merci. Je me sens plus informée, moi. Moi aussi. Tout à fait. Je vous ai pas expliqué la différence entre compte chèque, compte débit, mais tu viendras me voir tantôt. Okay. On crédit, s'en compte crédit, compte privé, là. Tu pars de loin, là. Ouais, non, c'est des... Je veux pas le dire, c'est des blagues, là. Ben moi, oui. Je suis comme quand même à mes affaires. Étonnamment, ouais, là, t'as pas pour l'air un ça, petit gémeau, j'ai pas l'air de dire. J'ai été voir, en fait, moi, mon conseiller financier, elle avait des seins. Mon conseiller financier. Ouais, ouais. Mais il y en a, tu sais, c'est une femme. Il y en a, on a une plus grande augmentation des femmes qui vont être intéressées, sauf qu'à la base, c'est vraiment un plus grand nombre de gars qui sont dans ce domaine-là. Ah oui. Oh oui, mais tu sais, en tout cas, j'ai été là-bas, puis elle m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie. Bon. Non, c'est bien. Je fais des paiements automatisés, j'ai des choses qui sont redirigées automatiquement dans des CELI, puis je vous encourage vraiment, là, les étudiants, ceux qui ne payent pas encore énormément là, d'impôts, là, ça ne vaut pas la peine les REER, là. Restez sur la voie des CELI. Avec des emplois le REER. Ben, on change beaucoup aussi les comptes épargne pour des comptes CELI présentement dans plusieurs institutions. CELI, c'est sûr que tu ne peux pas retirer avant un certain moment. Tu peux retirer, mais ça dépend. Là. Comme moi, j'en ai que c'est à terme fixe 3 ans, 5 ans. J'en ai que c'est rachetable progressif, c'est-à-dire à chaque anniversaire, à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis c'est vraiment intéressant. Les taux d'intérêt sont super... C'est sûr là, qu'on n'est pas en train d'investir dans quelque chose comme, je ne sais pas moi, de l'immobilier. Donc, ça fluctue vraiment. La fructification est très lente, là, mais on s'entend qu'on voit plus ça comme un compte épargne. Oui, exact. Mais au moins, l'argent dort pas en train de rien faire. Il est en train de gagner un petit peu de valeur, puis c'est quand même un peu le fun. Puis tu te dis, oh, je suis un adulte, Puis souvent, comparément à un compte épargne, c'est que justement, tu vas avoir comme un code. Tu peux pas y aller avant, par exemple, 3 ans. C'est donc, tu peux pas retourner dans ton compte épargne et le rechipper dans ton compte chèque. J'ai dû ouvrir et fermer mon compte d'épargne un bon 5 fois depuis les dernières années. Tu sais, je l'ouvre avec la bonne intention d'en mettre dedans avec un truc préprogrammé. Finalement, il reste 25 cents dedans à chaque mois. C'est ça. Ouais, pas le fun. Bref, que de conseils. Faites attention. Là, les gens, ils se disent, oh, il me reste 17$ dans mon compte pareil pour le reste du mois. Fait que, tu sais, il y en a qui peuvent pas. Ils se le permettent en ce moment. Aux études, ça arrive. Mais bon, retenez ça pour plus tard, peut-être. Absolument. Merci, Justine, d'être restée pour la chronique. Ça me fait plaisir. Tu peux rester encore, ça. Mais là-dessus, il va falloir que je retourne au laboratoire. C'est mon cerveau. Yark, tu coupes des cerveaux aujourd'hui? Ah non, non, non, j'analyse, là. Les cerveaux coupés postérieurement. Au retour de la pause, ce sera David Ferron. Parlons de cerveau qui mériterait d'être ouvert parce qu'il y a bien des affaires dedans. Hein? Je serais resté pour David. Ouais. David, ça la fait. Prochaine fois, je vais rester. Bon, on prend une pause. Au retour, David Ferron et la carte bleachée à Assemblage Requis. Restez là. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention Alcotube Plus. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage Requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage Requis. Pour toi aujourd'hui. Vous êtes à Assemblage Requis en ce mardi 10 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. David Ferron s'en vient tantôt avec la carte bleachée. Salut David. Salut. Salut. Tu lui dis allô, mais il dit pas dans le micro. Non, c'est ça, c'est le fun. Salut. Salut. Caméra 3, caméra 3. On a du public, je crois, c'est à Brooklyn, à Sherbrooke et à... Latuc. C'est loin et c'est creux, hein, Latuc. C'est quand même loin, ouais. Ouais, ouais, je suis passé par là récemment, puis... Ouais. Ça reste en Mauricie, pareil. Ça reste dans le coin. Ouais. Belle place. Donc, on salue nos auditeurs à Latuc. Absolument. Tantôt, Justine a utilisé le mot la communauté facebookoise. Je trouvais ça intelligent, vu qu'on dit Sherbrookeoise. Je trouve ça beaucoup plus beau aussi que facebookienne. Oui. Ouais. Comme, tu sais, Sherbrookeois, facebookois. C'est vrai. C'est ça. Bref, David, tantôt, qu'est-ce qui s'en vient plus tard dans ta chronique, la carte budget? Trois tounes. OK. Original jusqu'à maintenant. C'est-à-dire? Tout le monde fait ça. Tout le monde met trois tounes. OK. C'était ça. OK. Mais c'est comme ton top 3 de l'année 2016? C'est comme ton top 3 du début de l'année 2017? Ouais. Ah. Ça fait juste 10 jours, c'est commencé. Le gars, il a écouté 3 tunes en fin de semaine. That's it. Ouais, exactement. Puis c'est même 3 tunes. C'est 3 tunes hommage à Lady Gaga en soirée. Oh, wow, mon wow, Dieu. Wow, wow, wow. Mais version musique du monde. Ben non. Ben non. Même ça. Pas? Ben non, c'est piano-voix, mais piano MP3. OK. Piano okay. MP3. Ben, piano midi, je veux dire. OK, oui, parce que MP3, c'est comme pas un instrument. Ouais, c'est ça, mais c'est comme compressé. C'est comme si je vais mettre mon Bluetooth. Bluetooth, c'est une technologie sans fil. Ouais. Quoi, tu joues pas du Bluetooth, toi? Non, je joue pas du Bluetooth. Ben, c'est vrai, ce serait bien le son de l'au-delà. C'est comme jouer du trombone. J'imagine tellement je joue avec des trombones désagréables. À vous! Avant de passer à David Ferron, un autre, parce que je me dis qu'on va se parler beaucoup, David, fait qu'on doit prendre une petite respiration là, entre deux pubs, puis entre de la discussion d'argent tantôt, c'était si sérieux. Ouais. Donc on écoute une nouvelle pièce du palmarès francophone, c'est par la formation Autruche. Oh. On l'entend pour la première fois ce matin, voici Chouchou la molle. Hey, Chouchou la molle! Ah, ça me l'a joué. Apparemment que c'est pas correct quand j'entends des voix qui me disent quoi faire. Je me laisserai pas faire. Je t'entends, je t'écoute pas. Puis moi, ça coûte un bras car ça me prend dans le manche. J'ai plus que les chances. Comment ça se branler? Chou-chou, c'est vous qui parlez. Chou-chou, je capote pour la crée. Apparemment que c'est pas correct de le m'en parle encore. Je t'entends, mais je t'écoute pas. Que moi, ça coûte un gros cancer. Prends dans le manche, puis que les gens, ils commencent à. Chouchou la molle par Autruche Assemblage Requis. C'était sa première diffusion et on va la réentendre, la réentendre, oui, au Palmarès C'est Fou cet après-midi entre 14h et 17h avec Tania et moi-même. Maintenant, c'est celui qu'on a accueilli tantôt. On lui a pas trop... comment est-ce que je pourrais dire ça? On lui a pas laissé trop de place tantôt parce que quand il donne la place à ce gars-là, là, ouais. C'est fou raide, check le bain d'aller. C'est la carte bleachée! Oh, son regard là, a l'air violent, mais c'est David Ferron qu'on a changé de local récemment pour le mettre dans le local du milieu des bureaux de C'est Fou, pour ceux qui sont passés par là déjà. La prochaine fois, on va le déménager dans l'armoire de métal. Pour lui donner de moins en moins de place. Il crée pas comme juste plus. Ouais. Ça va être long comme chronique. Hein? David? David? Faudrait que tu réagisses, sinon on fait juste jouer tes trois tunes pis that's it. Ça faisait une tape, derrière la tête. Non, je frappe pas le nom. Ça va, David? Bon. Bon. Tania, toi, ça va? Oui, moi, ça va très bien. On parle de finance tantôt. Oui, oui, oui. Comment vont les termes? Ça commence à s'améliorer. Ouais, c'est ça, hein? Hey, salut! Hey. Ah, allô? Salut, David! Ça va? Oui! Génial de t'avoir, comme ben toujours. Merci. Oui. Même si vous voulez m'enfermer puis me clôturer, puis je vous aime pareil. Un homme riche. On a jamais dit ça, c'est toi qui as arrêté de parler. Ouais. Ouais, je voulais juste voir la réaction du monde. Je voulais essayer de voir si j'étais capable, parce que je regardais Mathieu. Puis mon défi en regardant Mathieu, c'est de voir est-ce que je serais capable de ne pas rire. Est-ce que Mathieu va faire exprès pour me faire rire? Mais non, je suis pas de même. Ah! Je suis pas de même. Voyons, j'ai du respect pour toi. Un homme riche en émotions. Oui, en émotion. Toi. Et en calories aussi que tu manges par jour. Oui, mais ça paraît pas trop, je suis content. Ça paraît pas, ça paraît pas encore, je suis content. C'est moi, je pense, qui prends tes calories quand tu manges. Oui, exactement. J'ai pris de la bédaine. Oui, c'est le fun, je vais continuer à manger. Puis à la fin de l'année, tu vas être obèse, puis moi, je vais continuer à être zèle. Ouais. Mais bref, quoi on que. On a pas le même métabolisme. Hein? On peut. Non, on s'échangera pas les. J'aime bien mon métabolisme. Il est parfait. Donc, David, autre que prendre de la place avec tes mouvements, ainsi que d'être très gourmand. Oui. Ah, ça dit, mais... Oui, c'est pas pire. T'as aussi des goûts musicalement parlant. Tu vois, je vais continuer la rime. Malade. Oui. Hein? Pas pire. Donc, cette semaine, tu nous parles de Poulet Neige, la compilation du mois de décembre qu'on devait se précommander, qu'on a reçu, les gens qui se sont inscrits à Noël. Ben, en fait, ça s'appelait Poulet Neige. Ouais. Je voyais le mot poulet, puis j'ai eu faim. Poulet. Ben oui, c'est juste pour poulet. Ça, dans le fond, moi, je savais pas c'était quoi. C'était juste c'est parce qu'il y avait le mot poulet. Mais non, c'est pas vrai. Ça existe depuis tellement longtemps. Ben oui, je l'ai su, je l'attendais pour vrai. Voilà. Quand, en fait, en mi-novembre, ou fin novembre, je sais plus trop quand, Poulet Neige a envoyé un courriel pour dire « Hey, ça s'en vient bientôt. » Je pensais que je pouvais déjà commander, mais non. Non, c'était le 1er décembre, je pensais. Alors, mon cœur a été brisé pendant quelques jours. T'es sensible, toi. Oui, je le sais, surtout quand il s'agit de poulet neige. Oui, extra gravy. Oui, dans ce cas-là, cette année, c'est bien parce que, oui, il y a surtout des artistes québécois et c'est excellent parce qu'en fait, le but, c'est pas nécessairement de rendre riches les artistes parce que le concept de poulet neige, pour ceux et celles qui ne connaissent pas c'est quoi, c'est qu'en fait, c'est... En fait, Poulet Neige, c'est un site internet. Mmh. Là, il y a eu cette année 88 albums. Quand même. Dans ces 88 albums-là, t'en choisis comme tu veux. Oui, tu peux que tous tu les veux. Prendre si tu veux. Oui, exactement. C'est gratuit. Ben oui, en fait, mais tu donnes une contribution par principe. Si tu veux, t'es pas obligé, non? Oui, c'est sûr. Mais avec son cheap. Mais tu vois, moi, je donne une petite contribution, tu sais. 5$, 10$, même. Ouais, j'ai donné 20$, j'ai quand même. Oh, Guy! Ben, j'ai quand même téléchargé 55 albums. Très, très généreux, David Fett. Ouais, j'ai quand même téléchargé 55 albums. Ouais. Ça vaut même pas une pièce l'album que j'ai téléchargé. T'as raison. Ça vaut la peine. Puis c'est vrai que ça rendra pas les artistes riches, mais c'est surtout pour leur donner une vitrine. Oui, et c'est ça. Et en tant que tel, il y a de l'argent aussi qui va aller à Poulet Neige pour qu'ils puissent développer cette liste-là à chaque année. C'est de plus en plus gros et le site est de plus en plus beau à chaque année. Oui, exactement. Parce que j'ai Ce qui n'est pas important. Ben, en fait, oui, cette année, c'est assez particulier parce que je sais pas si vous avez été sur le site cette année. Pas cette année, je m'excuse. Oh, non, parce qu'en fait, comment ça fonctionnait, c'est qu'il y avait deux parties. À gauche du site, tu avais les albums que tu pouvais consulter, écouter les extraits, tout. Mmh. Et à droite, qui prenait presque le trois quarts de la page, c'était des animations. Ah, pour vrai? Oui, c'était des collages qui s'animaient, qui se mouvaient. Cool! Oui, c'était vraiment intéressant. Puis quand tu cliquais trop longtemps là-dessus, le site buzzait. Arrête de niaiser. Ça va bien ensemble. Oui, exactement. T'avais comme du rouge et du vert qui arrivait et là, ça clignotait. C'est Noël. Oui. Ouais. Donc, c'était vraiment parfait cette année, mais pas juste pour ça, pour les 55 albums. Et là, j'avoue que j'ai pas eu le temps de toutes les écouter. Non, ben non, mais c'est vraiment beaucoup de job, là. C'est une journée complète. Je me rappelle l'année passée, je l'avais fait, ou il y a deux ans, peu importe, et il y avait eu beaucoup de problèmes sur le téléphone cellulaire pour télécharger, fait que j'avais fini par abandonner, puis je pense que ça m'a laissé un mauvais goût dans la bouche pour cette année. J'aurais dû persévérer quand même. Mais bon. Ah, mais c'est pas grave, pour compenser, j'ai amené trois chansons. Que t'es fin! Ben, je le sais, je suis de même, moi. Ben oui. Ben oui. Mais en fait, c'est trois découvertes que j'avoue que j'ai pas eu le temps de tout écouter l'album au grand complet, mais quand je suis tombé là-dessus, j'ai comme fait « Ah! » Ça te titille? Oui! T'as fait « Ah! » J'ai fait « Wouh! » Mais j'ai pas fait « Je suis pas capable de le faire. Some people are, some people say... » Le seul bon gars dit « Bye-bye! » Oui. Ah non, moi, ça, là, il pogne. Non, c'était pas drôle. C'était facile. Parle-moi pas là-dessus, là. Bye bye. Je l'ai parlé tout le long de la huître hier. C'était des gags de. Ah, okay. Tout le long de la journée aussi, Mathieu. Ouais. Tu n'as pas parlé à personne, ça paraît. 7/8 de millimètre de moins c'est de largeur. Oh, drôle. Hey, mais avec la voix sensuelle d'Anne Dorval. Ça, c'est vrai, non. Ben oui. À sauver les meubles. Ben avec Marc Labrèche. On est rendu le 10 janvier, on parle encore du bye bye. Exactement. Regardez comment ça marque les esprits de bye-bye. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que c'était bien écrit, hein. Ben, faudrait que les appendices prennent la relève, là. Ouais. Ça c'est drôle cool. Qu'il faut qu'on prenne la relève, puis c'est juste leur première année à cette équipe-là. Oh! Oh. Hein? Tu vois, moi aussi, je fais des gags faciles. Oh. On disait donc Poulet Neige. Oui, exactement. Donc, je vous présente trois découvertes. Et c'est des styles assez hétéroclites. Ah, c'est... Oui! Mm-hmm. Différent. Oui. Donc, le premier qu'on va entendre, en fait, la première pièce, c'est la pièce Messenger de Misk, comme dans Variant anglais. Comme oui, dans... oui, oui, oui, Misk, comme dans Miscellaneous. Oui, mm-hmm. Exactement. Donc, Misk, et c'est l'album Misk. Mm-hmm. Donc, à date, c'est pas très compliqué. Ça va bien, là. Oui, je suis content. Donc, en fait, si vous connaissez un peu le jazz québécois, vous connaissez sûrement le trio Jérôme Beaulieu. Mais le trio Jérôme Beaulieu, qui était groupe Révélation Radio-Canada dans le temps que Radio-Canada s'appelait comme du monde. C'est une blague facile. Oh, quand même, j'aime bien ça. Moi aussi, c'est une blague facile. Mais non, c'est pas vrai. Donc, Révélation Radio-Canada, donc ce qui veut dire Révélation Radio-Canada égale quelques années, donc 2013-2014. Ben oui. Donc, c'était la Révélation catégorie jazz. Et par contre, ce n'est plus le trio Jérôme Beaulieu, mais plutôt le trio Misk. Et l'album Misk est sorti... En fait, c'est un album français. OK. Ben oui, c'est un album d'origine française parce que les gars l'ont enregistré en Bourgogne. Ah. Ben oui, il y avait une résidence là-bas et ils ont décidé d'enregistrer leur album là. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est ce bon jazz. C'est pas jazz chipette ou jazz un peu lounge, un peu, j'appelle ça, comment je dirais ça, du jazz confiture de canneberge. Oh, miam! Confiture de canneberge. Ce qui est Bourgogne aussi, en fond. OK. Moi, j'ai comme, on dirait que ça va avec une odeur où quand il y a un style de musique particulier, on dirait qu'il y a une odeur ou de la nourriture qui est avec. Ouais, j'imagine avec toi, ouais. Comme la pop Eucalypse, ça, c'est de la pop qu'on entend dans les saunas, dans les spas. Ah, OK, avec un petit peu de Vicks, là, sur le chest. Ouais, exactement. J'appelle ça de la pop Eucalypse parce que quand on va dans les saunas, ben, ça sent, mettons, le Vicks, des fois. Ouais. C'est vrai. Mais c'est l'eucalyptus, en fait. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est de la pop eucalyptus. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment du bon jazz, surtout qu'on n'a pas l'occasion de parler beaucoup de jazz québécois. C'est vrai. Donc, c'est une belle occasion et c'est vraiment excellent. C'est ça vraiment bouge-tu agréable. Un peu, y'a-tu un petit peu? Ben, c'est pas, je dirais, mais c'est mélodieux. OK. C'est tout ce que je peux dire. Ce sera le premier qu'on entendra tantôt. Exactement. Le deuxième, le titre est vraiment particulier. Donc, la deuxième chanson, c'est « Rêve brumeux autour de Lana Del Rey ». Ah, la belle Lana Del Rey, ses nombreuses chirurgies faciales. Oh. Ah ouais? T'es de mauvaise foi. C'est ça, tu m'as raconté, non? Ben, pas moi, non. Qui m'a dit ça? Qu'elle avait des chirurgies? Ben, c'est juste qu'elle n'a pas nécessairement des lèvres naturelles, mais elles sont peut-être naturelles, on ne sait pas. Peut-être. Ça dit qu'elle a eu des chirurgies au nez et aux lèvres. Knew it! Correct, ça sent bien de même. Ben oui. On la juge pas, on fait juste le mentionner pour pas comme être mensonger dans sa face. Ben c'est bien, mais non quand même ça reste une ou c'est une pro du contouring avec le maquillage là, parce que peut-être, mais au moins tu sais ça reste une bonne artiste. Oui, c'est de la pop, mais pour une artiste pop c'est très bien. De toute façon c'est pas elle qu'on va entendre. Ben non exactement. C'est millimétrique. Ben oui, exactement, millimétrique avec sa pièce Rêve brumeux autour de Lana Del Rey. J'avertis tout de suite, il n'y a rien de compromettant. Parce que d'abord, c'est une toune instrumentale. Okay. Donc, y a pas de, on n'entend pas de paroles. Mm-hmm. Et aussi, c'est surtout planant. Brumeux comme dans planant. Donc, c'est un titre intriguant, mais je vous dirais que c'est ça. Ça sonne plutôt ambient. Et c'est aussi planant que la pochette de l'album Fog Dreams de Millimétrique. Donc, on est dans le brumeux, là, carrément, tu sais, pour que ça s'appelle Rêve brumeux. Donc, la pochette, c'est vraiment très beau parce que, bon, pour là, je fais des trucs visuels à la radio, je le sais. Ça se google très bien. Hein? Ben oui, mais en fait, c'est un phare et devant le phare, en filigrane, il y a une montagne et l'eau, en fait, l'album est en noir et blanc, sauf le cours d'eau qui est bleu en partie. Oh. Et c'est tout dessiné. Dessiné à la main. Ouais, je pense que oui. Cool. Ben, peut-être numérisé, peut-être vectorisé aussi, je sais pas, mais c'est très beau. Super. Donc, on va entendre ça. Et Millimétrique, c'est Pascal Asselin. C'est un projet d'un seul homme. Wow! Oui, et puis, il est même reconnu pour ses talents de musicien électronique parce qu'il a gagné le prix de l'album électronique en 2014 au Gala Gamic. Félicitations. Mais bravo, Pascal! Oui. Donc, la troisième, ça, c'est vraiment... J'ai vu le nom du band et je capote ma vie sur le jeu de mots. Est-ce que tu as vu qu'il y avait un jeu de mots là-dedans? Ben, je m'excuse, j'ai pas pensé Technical Kidman. Technical Kidman. Ah, j'avais pas pensé à comme ça. Comme dans Nicole Kidman, mais c'est Technical Kidman. Pour vrai, pour moi, dans ma tête, je me suis dit, non, ça n'a pas rapport avec Nicole Kidman. Fait que mon inconscient se dit, ça n'a pas rapport avec Nicole Kidman, donc il n'y a pas de... Ben oui, c'est mais génial. Technical, parce que en fait, le groupe, dont l'album Something to Enjoy Coming on the Horizon, vient 5 ans après leur EP. OK. Donc leur EP... Le EP, c'est un court album maxi. Oui, il faut dire maxi, c'est maxi, vrai. Maxi, ben oui. Ben oui. Mm-hmm. Ben oui. Pas Métro, non Provigo, mais Maxi. Oh, OK. Salutations à Justine. Oui, à qui on a fait le même gag tout à l'heure. Ah, je sais, vous tantôt êtes tellement inspiré. C'était Bowie. Maxi, Bowie. Oh, avec David Bowie. Oh. David Brownies. Ouais. Tout le temps de la bouffe. Hein? Ouais, c'est du pot là-dedans. Oh, pas tout de suite, c'est pas encore légal. Plus tard, sur mon heure de dîner. Oui. Quand ça va être légal, Mathieu? Ah, attends, on va pour l'instant manger des bons sandwichs. Hein, attends, là. Oh. Donc là, on divague, mais pour revenir à Technical Kidman, j'ai même pas pensé à ça. Pour vrai, je me sens saoul. Il n'y a pas de saoul métier, seulement un saoul David. C'est méchant. C'est pas grave, je vais regarder la pub de E-Pong, puis je vais rigoler, mais... Oh. cassé, double casse, triple casse. Ah, les Samsung explosent. Quel gag incroyable. Ben, de toute façon, j'ai plus Samsung, fait que je trouve ça drôle. Technical Kidman. Oui. Parce que Technical Kidman, je sais pas si ça a un lien avec un procédé qu'ils ont utilisé pour l'album, parce qu'ils ont pris des cassettes VHS et ils ont fait des échantillons, puis ils ont pris des extraits à partir cool, des VHS. Ah, c'est fun, ça. Oui, exactement. Et sérieusement, pourquoi ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Okay. Poulet neige. Mm-hmm. C'est mon coup de cœur absolu. C'est ton coup de cœur? Oui. Cool. Est-ce que je l'ai dit? Je pense que c'est ton coup de cœur. Hein? Je suis pas certaine. Dans les trois, c'est lequel ton coup de cœur? Je le sais plus. Some People Say de Sophie Grégoire. Ah, j'arrête là-dessus. Je sais pas comment ça s'appelle, la toune pour vrai. Je sais pas. C'est une vraie toune. Ben oui. Ben je pense que oui. Je pensais que c'est une création originale de sa part. Oui, pour vrai, c'est une... parce que en fait, ce qu'elle dit, ben, c'est. Ben je pense que c'est Some People Say. Ok. Ah ouais. Ah, pour vrai. Ben c'est cool, on va l'écouter en extrait. Oui, non. Ben en fait, pour revenir à Technical Kidman, j'espère que les membres du groupe ne nous écoutent pas présentement. Oui, ils nous savent. Oui, on s'excuse aux gens de la TUC. Habituellement, l'émission est meilleure que ça. Oui, mais cette demi-heure-là, hein? Oui, je le sais, c'est la pire demi-heure au monde, mais... Mais on assume. On assume, oui. Depuis 5 ans. Théâtre. Oui. Ah, je sais pas, c'est elle-même qui l'écrit. Ah, je savais que c'était une création. Donc ça le dit pas. Ben c'est cool. Peut-être qu'elle va chanter ça pour célébrer le remaniement ministériel qui aura lieu aujourd'hui. Oh, crime, c'est Smile d'actif. Back at me. OK. Oh, parce que, petite parenthèse, Justin Trudeau va jouer à la chaise musicale avec ses ministres. Oui, c'est aujourd'hui, hein. Bon oui, puis Stéphane Dion va perdre un poste. Ah oui, on sait ça. Oui. Oui, puis il y avait des rumeurs hier. Là, c'est confirmé. Il va perdre un poste comme dans Jean, il va appeler Cogeco, il va dire je vais enlever Casa. Oui, exactement. Mais en fait, pire que ça, il va perdre son ministère. Mais pour revenir à Technical Kidman... Est-ce qu'on va vraiment revenir un jour à Technical Kidman? Oui! On va seulement... Là, maintenant! Okay. En fait, c'est ça, c'est vraiment une toune velcro. C'est expérimental, mais à la fois, c'est pop. C'est en fait, quand on entend les 15 premières secondes, on dit, il y a un petit côté comme très tribal, mais il y a un côté très radiophonique là-dedans. Ah oui, oui. C'est très entêtant, la tête bouge automatiquement. Mm. On n'a pas, en fait, on n'est plus capable de se contrôler le corps. Connaissant David, il n'y a pas besoin de musique pour hacher de la tête. Mais là, c'est encore pire. Mm-hmm. Avec Technical Kidman, c'est vraiment... Le son des percussions est vraiment très entêtant. C'est un velcro. Mais tu sais, pas juste sur la toune, c'est qu'il y a du velcro partout. partout, c'est une toune velcro. OK. Ben moi, je trouve que oui. Il y en a qui vont trouver ça trop expérimental. Mais moi, vraiment, ça m'accroche trop. Mais on va l'écouter tout à l'heure. Avant, on va écouter Misk avec la pièce Messenger suivie de Rêves brumeux autour de Lana Del Rey, tirée de l'album Fuck Dreams de Millimetric. Tout de suite à l'assemblage requis, c'est la carte bleachée avec David Ferron. Oui! Qui est pas capable de lancer ses souliers, fait qu'il porte du velcro. T'as-tu du velcro? Non? T'as-tu des lancers? Oui. OK. Oui. Tu montreras comment. Chut, chut, chut. Et voilà, c'était la pièce Try de Technical Kidman tirée de l'album Something Stranger Coming on the Horizon. Mm-hmm. Est-ce que j'ai bien dit? À peu près. Yeah, quasiment. Ouais, quasiment. C'était proche, c'était proche. Ouais, c'est ça. Ouais. On a entendu ces trois pièces-là qui sont de la compilation Poulet Neige. Oui. Je dis compilation, c'est pas vraiment une compilation, c'est une liste d'achats de Noël. Oui, mais j'ai pas nommé les deux autres tunes qui ont joué avant. Ah, vas-y, excuse-moi. Pas grave. Donc, avant la pièce Try, c'était Rêve brumeux autour de Lana Del Rey, de l'artiste Millimetric, et c'est tiré de l'album Fog Dreams. Et avant ça, c'était la pièce Messenger de l'album Misk, du groupe Misk, Feu Trio, Jérôme Beaulieu. Voilà. On est en train de se trouver d'autres équivalents, d'autres noms qu'on pourrait faire pour d'autres saisons après Poulet Neige. Là, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ben, toi, t'avais trouvé Grenouille Pluie, qui était vraiment bien. Je suis vraiment pour cet été. Merci. Dans le fond, il y en aurait un par saison, parce qu'à un moment donné, toi, tu pensais qu'il y aurait 300 albums à un moment donné. Oui, parce qu'ils vont trop en faire. Ils sont rendus en Grande-Bretagne. Il y en a pas tant que ça. C'est peut-être deux albums. Là. Non, c'est mais avec le temps, avec plusieurs années qui vont s'écouler, on va commencer à avoir comme 300 albums sur la liste. Je pense qu'ils pourraient peut-être se donner un petit créneau, tu sais. Ben oui, dans le fond, il y aurait quatre fois par année. Il y aurait Poulet Neige pour Noël. Mm-hmm. À part qu'il y aurait Lapin-Gazon. Lapin-Gazon, bien sûr. Cet été, ça serait Grenouille-Pluie. Puis l'automne, c'était quoi déjà? Écureuil-Feuille. Oui, puis Tania, je sais pas, ça a une suggestion. Et j'en ai pas vraiment, honnêtement. T'aurais Petit Rat Sable. Ouais. Serpent Sable. C'est comme Serpent Sable. OK. Comme dans le désert, Serpent Sable. Ah, ça serait la section musique du monde. Oui! Cool! Hey, c'est comme l'astrologie chinoise quasiment, notre affaire. Pâte de grenouille, ça a l'air bon. Oui. Bref, merci David Ferron. Ben, ça me fait plaisir, pour merci. Pour la chronique La Carte Glitchée, on te retrouve aux deux semaines pour ça. Quand ça t'adonne, il y a des fois où tu viens quand ça te parle. Zone Campus, l'autre semaine, donc la semaine prochaine, mardi à 8h30. On va parler du plus récent numéro de Zone Campus. Petit avant-goût de ce qui s'en vient. Oui, donc c'est très prometteur. J'ai pas encore tout lu les articles, parce que moi, j'ai le privilège de lire les articles en premier. C'est vrai. Ben oui. En tant que rédacteur en chef. Mm-hmm. Oui, ça me donne des privilèges. Et là, sérieusement, je crois que ça va être une bonne cuvée. Mm-hmm. Encore, on a vraiment une très belle équipe et vraiment, on a en fait deux nouveaux journalistes sportifs et un chroniqueur sportif. En fait, c'était Vincent Boisvert, qui est un ancien journaliste sportif. De deux numéros. Oui, la session d'automne. Et là, il est devenu chroniqueur et vraiment, c'est prometteur. Il y a aussi une autre journaliste en or, qui est Judith Etier, qui était journaliste et là, qui est devenue chroniqueuse littéraire. C'est le fun, le retour de la chronique littéraire. On avait ça l'année passée avec Annabelle, c'était vraiment le fun. Puis vraiment, Judith, parce qu'elle est là-dedans en pleine étude, en études littéraires. Donc vraiment, son point de vue à date est excellent. Elle a un regard critique, mais pas cinglant ou quoi que ce soit. C'est vraiment très intéressant. Donc, ça va être je suis sûr que... En fait, il faut compter ses dodos avant que la Zone Campus sorte, parce que ça va être excitant. Compter les dodos. Oui. Dominique Michel. Oui. Cool. Oui. Donc, prochain Zone Campus qui sort mardi prochain, David, n'est-ce pas? Exactement. Et pour s'envoyer à la pause, on va faire ensemble un solo de crayon, parce que t'aimes ça, cliquer sur ton crayon pendant ta chronique. Oui. T'entends? Ça va être criquet-crayon. Criquet-crayon. Criquet-crayon. On revient dans deux minutes avec plus d'assemblage de caisses. Assemblage de qui? Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Cette édition d'Assemblage Requis vous est présentée en collaboration avec Prévention Alcotube Plus. Assemblage de qui? Vous êtes à l'Assemblage Requis en ce mardi 10 janvier 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Il nous reste une dizaine de minutes à l'émission, environ un petit peu plus que ça, à peine. Je t'attends, j'ai assez de temps, pour se faire une chronique fourre-tout, une chronique passe-partout. D'accord. Celle qu'on peut faire pour boucher les trous en fin d'émission. Donc voici son foutu palmarès. J'ai entamé ma voici la colle dans laquelle on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. J'ai choisi des trucs du nouvel an aujourd'hui pour le fun. C'est parfait. C'est le fun. On a des petits trucs comme, par exemple, les mots qui ont 25 ans en 2017. Oh, d'accord. Si vous êtes né en 1992, non seulement est-ce que vous avez... c'est toi ça, pour vrai? C'est vrai? J'ai avoir 25 ans en 2017, oui. Aïe, aïe. T'es aussi vieille que le centre d'achat populaire Mall of America. OK. T'es aussi vieille que le patch de nicotine. Oh, oh. Et t'as le même âge que Super Mario Kart. Nice. Pas pire, hein? Je sais pas trop comment je devrais le prendre, mais c'est parfait. Bonne chose. Il y a aussi des mots qui sont nés en 1992 dans le Oxford English Dictionary. Donc, une petite leçon d'anglais pour vous ce matin. Pour commencer avec le mot « vacay ». Ah oui, I'm going on vacay. Donc, c'est là qu'on a commencé à dire le mot vacay au lieu de vacation en enlevant toute une syllabe. Imagine le temps qu'on économise. Ensuite, le mot Trustafarian, c'est un mélange entre Trust Fund et Rastafarian, qui a eu sa première mention dans le Washington Times. On définit ça comme une personne, un gars qui a les cheveux longs et un Trust Fund, donc des économies, qui conduit une Saab ou un Jeep, qui écoute du reggae et qui ne laisse pas les gens le déranger. C'est un Trustafarian. Ensuite, Photoshop comme le verbe. OK, le genre, ciel. C'est photoshopé. Ben oui, le logiciel Photoshop qui, lui, date de 1990, mais en 92, le nom était devenu un verbe. Le mot squoval a aussi 25 ans. C'est un mélange entre carré et ovale, en square et oval, qui a été formé pour un style, en fait, de manucure très populaire en 1992. C'est un ongle qui a été chopé au carré, mais avec une petite forme ovale. Donc, c'est un squoval. Aujourd'hui, on appelle ça un cercueil. Ah, un cercueil. Ah, ben j'aime. Ensuite, le skeezy. Il y avait Sleazy au début qui existait depuis 1644. En 1976, on a eu Skeevy. Et après ça, on a ajouté Skeez en 1989. Donc, on a éventuellement continué avec Skeezy. Sleazy, c'est juste quelqu'un de louche. Ensuite, Sadster. Selon le Oxford English Dictionary, un Sadster, c'est une personne pathétique. Ah, d'accord. Ouais, et selon le Urban Dictionary, c'est un gars emo qui est tout le temps downbeat, mais qui est plus cool que toi. Donc, c'est un hipster. Ah. Hipster sad sack. OK. Ouais, sad. Mais il est plus cool que toi. Plus faut cool que qu'il toi. Soit plus cool toujours. Que toi. OK. Ensuite, tu connais le mot polyamory? Ça me dit quelque chose? C'est en fait d'avoir plusieurs relations émotionnelles et personnelles avec deux personnes ou plus. Donc, au lieu d'être dans un couple, dans une situation polyamoureuse. Donc, okay, tu oui, peux être deux, trois personnes là-dedans. C'est apparu en 1992 pour la première fois sur un groupe Usenet, donc sur Internet. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? D'être dans une situation polyamoureuse? Ouais. Dans mes rêves. Ah. Dans mes rêves, comme dans tous les rêves d'hommes. Voilà. Ensuite, on continue avec l'expression « on message ». Donc, les politiciens et les organisations trouvent tout le temps une façon de se positionner envers le public. Donc, il y a 25 ans, on a commencé à référer à ces gens qui ont un plan de communication tout en restant sur leur message, donc « on message ». Ensuite, le « metaverse », donc le « méta-univers », qui est devenu un terme pour des mondes virtuels après l'avoir introduit dans le, par Neal Stephenson dans le roman de 1992 « Snow Crash ». On a commencé à parler de « méta-univers », des univers virtuels. Ensuite, un de mes mots préférés que j'utilise tout le temps, le mot « mais ». Mais, qui a été inventé en 1992, c'est un mot yiddish, donc c'est, est-ce que c'est juif yiddish, il me semble? Je suis mieux de vérifier ça avant de dire n'importe quoi. Yiddish sur Wikipédia, qui est un langage, ben oui, c'est juif, yiddish. Ah, OK. Ben oui. Est une langue germanique dérivée du haut allemand avec un apport de vocabulaire hébreu qui a servi de langue vernaculaire aux communautés juives d'Europe centrale et orientale à partir du Moyen-Âge. Donc, c'est un mot yiddish qui s'est montré pour la première fois en forme écrite en 1992, encore une fois sur Usenet, en parlant de l'émission de télé Place Melrose. Ah. En disant « Mais, c'est bien trop poupée Ken pour moi. Kendall. Beaucoup trop Kendall pour moi. Mais. » Ensuite, le mot internaute. Il y a 25 ans, on a commencé à avoir besoin d'un terme pour un utilisateur d'Internet. Donc, c'est un mélange de Internet et astronaute, évidemment. Ensuite, girl avec 3 R. G-R-R-R. Elle, qui est un mélange. Moi, j'ai jamais utilisé ça. Moi non plus. On a utilisé ça pour le mouvement féministe punk Riot Girl. En 1992, c'est devenu un terme général pour une jeune femme perçue comme étant forte ou agressive, particulièrement dans son attitude envers les hommes ou en exprimant son indépendance et sa sexualité féminine. Donc, on a commencé à utiliser le mot girl. Ah, d'accord. Ensuite, le mot, on est toujours dans la liste des 25 mots qui ont 25 ans en 2017. On continue avec biohacking, le problème éthique des hobbyistes rebelles qui jouent avec les gènes. Et quelque chose qui dérangeait assez en 92 pour créer le terme biohacking. Ensuite, Franken quelque chose. Les nouvelles possibilités de la manipulation génétique ont amené l'idée de la nourriture Frankenstein, de la nourriture qui était génétiquement modifiée, comme on l'appelle. En 1992, le préfixe Franken s'est détaché et est devenu son propre mot qu'on a pu utiliser donc, dans Frankenfood et Frankenfruit. Ensuite, Alterna quelque chose, un autre préfixe qui donc est devenu indépendant du mot alternatif en 1992. Ça a été appliqué à des termes musicaux comme l'alterna pop, l'alterna rock, l'alterna metal. C'est devenu une façon de décrire des alterna trucs, par exemple des personnes, alterna papa, alterna teens et qui aiment des alterna things. Ah ouais, papa. Ensuite, fashionista. Les top modèles des années 90 dans l'industrie de la mode ont pénétré l'imagination populaire et ce terme-là commençait à être utilisé pour décrire quelqu'un qui est employé dans l'industrie de la mode et ça a gagné de la popularité, donc fashionista. Ensuite, celui-là, un petit peu moins connu peut-être, Digerati. Les années 60 nous ont donné l'idée du glitterati et les années 90 ont amené Digerati comme dans Digital et Literati pour la classe technologiquement bien placée. Donc, des ordinateurs, de la technologie. Ensuite, le mot « cyber war ». Ben oui, évidemment. Oui, le mot « cyber » vient du terme « cybernétique » en 1948. Les cyber quelque chose ont commencé dans les années 60. « Cyber war » a été imprimé pour la première fois en 92 dans un grand titre du Chicago Sun-Times qui était « Cyber War Debate », donc le débat de la cyberguerre. A new generation of brilliant weapons has sparked a debate between scientists and the military about who should wage war, man or machine. Donc, une nouvelle génération d'armes brillantes, impressionnantes, amène un débat parmi les scientifiques et l'armée, à savoir qui devrait faire la guerre, l'homme ou la machine. Ensuite, un mot que là, on le connaît pas mal, celui-là, Bootylicious. La première fois qu'on a entendu Bootylicious, c'était en 1992 par le rappeur Snoop Doggy Dogg. Them rhymes you were kicking were quite bootylicious. Où ça avait en fait une connotation négative, donc faible. Et plus tard, c'est devenu un mot positif pour quelque chose d'attirant, avec de belles formes. Mm-hmm. Ensuite, badassery. Badass existe depuis 1955, mais en 1992, on a amené ce nom abstrait pour parler de la qualité en général d'être badass. Ensuite, bien sûr, le Achy Breaky. Bacon. Le succès de 1992, Achy Breaky Heart, qu'on a repopularisé au Québec avec le Achy Breaky Dance. Donc, Achy Breaky est devenu donc un terme généralement triste dans une façon country twangy. Donc, quand tu fais du country triste, là. Ouais, c'est ça. Achy Breaky. Ensuite, le mot entertainment, c'est vraiment particulier, mais ça a commencé en 92, j'aurais jamais pensé. Moi non plus. Excuse-moi, j'ai mal lu le mot entertainment, c'est pour ça que j'avais pas compris. Donc, c'est le mélange du mot eat et du mot entertainment pour mettre dans les années 90 dans la thématique des restaurants. Donc, l'entertainment, le memorabilia et les boutiques cadeaux. Ensuite, le mot resto-bar, là c'est vrai, ça m'impressionne, j'aurais jamais pensé. Ah ouais, je pensais que c'est bien plus vieux que ça. Ouais, un autre mélange, donc bar, boîte de nuit, qui sert aussi de la nourriture, donc restaurant plus bar, ça fait un feeling un petit peu européen, donc on appelle ça un resto-bar. Ensuite, turntablist, un DJ fait tourner des disques, mais en 92, la manipulation des tables tournantes, avec l'effet du scratching, du mixing, a utilisé son propre nom, le turntablist. Et finalement, URL a 25 ans en 2017, le Uniform Resource Locator, donc c'est les adresses web, qui n'étaient pas encore standard en 92, c'était le tout début. Mm-hmm. Donc on a commencé à appeler ça URL. Un URL. Donc c'est ça. Pas mal wow. Ça. Ça a été possible la première fois dans une liste électronique de 1992 du Internet Engineering Task Force. Voilà. On va continuer avec, parlant du Nouvel An, étant donné que je ne veux pas repousser ça à trop loin, là, le Nouvel An, on est quand même dans notre première semaine de l'année. C'est des superstitions à travers le monde. OK. Superstitions du Nouvel An. Des États-Unis en Australie, tout le monde débute le Nouvel An d'une façon particulière. Donc, voici quelques petits rituels partout dans le monde pour s'assurer d'avoir une année remplie de bonheur, de prospérité, d'amour et d'aventure. Commençons en Amérique latine, où on transporte avec soi une valise vide. OK. Dans plusieurs pays de l'Amérique latine, les gens qui célèbrent le Nouvel An vont avoir une valise vide près de leur porte principale. Ils vont même l'amener faire le tour en cercle dans une pièce ou encore faire le tour de la maison pour avoir une année remplie d'aventures et de voyages. Ah, oh, ouais. En Espagne, on mange 12 raisins à minuit. Ah, oh, c'est cute. Oui, certains gens vont boire du vin à minuit la veille du jour de l'an, mais en Espagne, oui, bonjour à tous. En Espagne et dans certains pays d'Amérique latine, on prend des raisins à minuit. On mange 12. de ces raisins-là, donc un pour chaque coup de minuit, pour s'assurer que les 12 prochains mois soient remplis de chance. Ensuite, en Argentine, on mange des bines, hein, des fèves. Ouais. Donc, c'est ça, c'est pas seulement fibreux, c'est aussi considéré comme très chanceux pour le nouvel an. On mange ça juste avant minuit, ça donne une sécurité d'emploi pour l'année à venir. Peut-être donc la tradition la plus responsable de la liste, nous dit mantelfloss.com. Ensuite, en Biélorussie, un coq va prédire votre vie amoureuse. En Biélorussie, les femmes célibataires qui cherchent un amour durable vont s'asseoir en cercle, mangeant une tonne de maïs devant elles. Chacun avec une pile de maïs, pardon, devant elles. Chaque femme. Okay. Un coq est placé dans le milieu du cercle et la femme dont les grains se font manger par le coq va être la première du groupe à se marier. Mais ça dit pas quand. Ça dit pas quand, mais ça va être la première. C'est quand même pas pire. Ensuite, en Chine, on nettoie la maison. Mais on fait attention de quel bord qu'on balaie. Le nouvel an chinois qu'on appelle le Spring Festival correspond au début de du calendrier chinois basé sur la lune et le soleil. Et techniquement, c'est pas célébré avant la pluie ou mi-février. Mais comme dans les pays occidentaux, l'occasion est marquée avec plusieurs traditions et superstitions. Une coutume est de nettoyer sa maison de haut en bas comme façon de s'éliminer la précédente année. Mais pour s'assurer que la bonne chance ne soit pas accidentellement poussée vers l'extérieur avec les mauvaises choses, les gens vont balayer vers l'intérieur, ramasser la poussière et disposer de ça par la porte d'en arrière, non pas la porte d'en avant. Hmm. Et pendant les deux premières journées du nouvel an, les gens à la maison ne sont pas supposés nettoyer du tout leur maison pour éviter d'éliminer la bonne chance, la bonne fortune de leur maison. Ensuite, au Danemark, on va jeter la vaisselle brisée sur la maison du voisin. Ah, OK, rien de moins. Ouais, la plupart des gens vont jeter leur vaisselle brisée dans la poubelle, mais au Danemark, on va disposer de ça de façon plus créative. On les garde à travers l'année. Et à la veille du jour de l'an, on va lancer ça, on va laisser les restants, sur les maisons de ses amis et du reste de la famille comme geste de chance. On sait pas encore qui nettoie après ça, mais quand même. Non, c'est ça. Les Danois et les Allemands, ou ceux qui ont de la misère à lancer peut-être, peuvent laisser des piles de vaisselle brisée sur le pas de porte. Ah, OK. Voilà. Ensuite, en Roumanie, on va performer une danse de l'ours. Dans la région de Moldova, les villageois vont s'habiller avec de la vraie peau d'ours et vont danser dans les rues pour éliminer la mauvaise chance, la malchance. Le rituel se passe à chaque année entre Noël et le jour de l'an et ça vient d'une vieille tradition à Rome. Dans le sud américain, on va manger des Black Eyed Peas, pas le groupe de musique, mais des fèves noires. Plusieurs familles du sud vont manger un festin du nouvel an avec du porc, des fèves noires et des légumes verts. Le Black Eyed Pea, là, c'est un type de légume avec une tache noire sur son extérieur de couleur crème. Et ce plat-là est supposé amener de la chance. Et la personne qui trouve la pièce de monnaie cachée dans le chaudron qui est utilisé pour faire bouillir ces fèves-là va avoir la personne le plus de chance de tout le monde au souper. Oh. Personne ne sait d'où vient cette tradition-là, mais certains disent que ça a débuté après la guerre civile où les soldats volaient la nourriture des confédérés, comment est-ce qu'on dit ça en français? Je sais pas trop quoi. Donc, les rendant chanceux. Une autre théorie, c'est que les Juifs qui étaient arrivés en Géorgie au début du... pendant le 18e siècle, mangeaient ces choses-là pour amener le nouvel an. Ils ont amené la tradition en Amérique. Ensuite, on va en Afrique du Sud où on jette les meubles par la fenêtre. À Johannesburg, en Afrique du Sud, les gens qui vivent dans la ville, dans le quartier de Hillbrow, vont lancer leurs anciens meubles par la fenêtre ou de leur balcon. Présumément, ça veut dire se débarrasser du vieux pour amener du nouveau et donc la nouvelle année. Il y a malheureusement des gens qui ont été blessés par cette pratique-là et la police dit évidemment de ne pas le faire, donc faites attention à ça si vous allez en Afrique du Sud. En Estonie, on mange plusieurs repas. Les gens vont manger entre 7 et 12 repas le jour du nouvel an pour leur donner la force de 7 à 12 hommes. Ah. Wow! Je sais pas, l'article dit est-ce qu'on doit prendre de 7 à 12 siestes après ça. Ça doit. Ils ont bien raison. Ensuite, en Finlande et en Scandinavie, on va verser tin, c'est d'aluminium. Je pense que c'est de l'aluminium tin, il me semble. Mais on va verser ça fondu dans de l'eau. Dans les pays nordiques, comme la Finlande, les gens vont faire fondre des sabots de chevaux. Et ensuite, ils vont verser le liquide dans de l'eau froide et ils vont regarder ça tourner jusqu'à ce que ça... C'est de l'étain. De l'étain. Jusqu'à ce que ça devienne en forme solide. La forme que ça fait va te prédire le type d'année que tu vas avoir. Ensuite, on va au Brésil où on va lancer des fleurs blanches et des cadeaux dans l'océan. Plusieurs Brésiliens croient que donner des cadeaux à Iemanjá, qui est un esprit de l'océan afro-brésilien, la veille du Nouvel An, va leur donner une vitalité, une force renouvelée pour la nouvelle année. Ils vont ensuite voyager jusqu'à Copacabana, à Rio de Janeiro, et lancer des fleurs blanches et d'autres offrandes dans les vagues. On va à l'Équateur ensuite, où on va faire brûler un épouvantail. Ah, OK. Donc, les gens qui célèbrent la veille du jour de l'an, en Équateur. L'épouvantail va servir comme symbole de la précédente année, de sa mauvaise énergie. Ils vont faire brûler les pailles, donc, pour promouvoir un départ positif pour la nouvelle année. Ensuite, on va en Écosse, où le premier invité de l'année va amener des cadeaux. La première personne qui va arriver à ton pas de porte dans ta maison au nouvel an doit t'amener plusieurs cadeaux symboliques, une pièce de monnaie, du sel, du pain, du charbon et du whisky. Ah, OK. Il y en a qui sont plus fun là-dedans. Que... Ouais, j'avoue. Et finalement, aux Philippines, on va faire beaucoup de bruit. La veille du Nouvel An, c'est évidemment bruyant dans pas mal toutes les cultures, mais les gens des Philippines font encore plus de bruit pour éliminer les esprits malsains. Ils vont frapper ensemble des chaudrons et des poêlons, et peu importe. Ils vont faire éclater des feux d'artifice et même tirer leurs fusils dans les airs. Ah, oh, d'accord. Wow! Voilà, donc c'était une petite liste de 15 superstitions du Nouvel An. C'était bien quand même, hein? Bien. Je crois pas qu'il me reste de choses si intéressantes à faire pour le jour de l'an, mais peut-être qu'on fera une autre chronique d'ici la fin de la semaine. Qui vivra verra, comme on dit. Mais nous, malheureusement, ça va devoir être la fin pour cette édition d'Assemblage requis. Après autant de plaisir, on doit bien arrêter éventuellement. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à David Ferron pour sa chronique La carte bleachée. Merci à Justine Renaud. Oui! Pour sa collègue Justine Pertine. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. C'est plaisir. Demain, on sera mercredi. On va avoir le retour de Sébastien F. Gartin à 7h30. Le retour aussi de Gabriel Béhoud à 8h30. Et un nouveau chroniqueur. Oh! Tania, je t'annonce pour la première fois qu'Alfalfa sera là demain! Oh oui! Alfalfa. Est-ce qu'il va être là en tant qu'Alfalfa? Il va être là en tant qu'Alfalfa. En fait, on n'a pas le droit de rien dire sur cette personne-là. Autre non, que c'est Alfalfa, donc garde sa mort. Oui, mort. Oui, c'est Alfalfa. Alfalfa qu'on a entendu pour la première fois dans l'émission, dans les émissions du mois de décembre, à la toute fin du mois de décembre. C'est lui qui nous parlait de jeux de société, entre autres dans l'émission du Potluck. Donc Alfalfa va être avec nous pour la demi-heure demain à 9h. C'est nouveau et c'est une nouvelle chronique régulière. Donc c'est même pas une participation spéciale. Il va être là dorénavant, les mercredis à 9h. Bref, on va être là entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Plus tard, sur nos ondes, on est mardi, donc à 10h, c'est la rediffusion du Mathieu Plante Show. C'est la rediffusion de l'émission sur Samuel Girard. Oui. De Gamer and Autre. Ensuite, là, on débute la session. Là, je ne sais pas ce qui est commencé et ce qui va commencer plus tard, mais la chronologie de la journée ferait en sorte qu'à midi, on aurait potentiellement connaître ensemble. Ensuite, à 14h, Talia et moi serons de retour, ça c'est sûr, pour les palmarès c'est fou. Et à 19h, c'est certain qu'il y a réanimation avec du métal et de l'horreur. En tout cas, habituellement, il revient pas mal au début de la session. Ouais, sont là. Donc, cif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados-diffusions. On se quitte là-dessus et on se retrouve demain à 6h30. Bonne journée. Bon café. Bye.